Jésus-Christ. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, on va bien, frère. Vous nous avez manqué hier. On n'a pas pu avoir émission parce que la télé, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est la connexion. Ici au pays, il y a eu interruption des courants électriques. Donc, je ne pouvais pas être en ligne. C'était quasi impossible que je me connecte. Donc, je suis désolé pour tous les auditeurs de Radio Femmes Vertueuses en Jésus-Christ. Oui. Mais la partie ne fait que commencer. On est ensemble aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Donc, prions seulement que la ligne soit claire. Est-ce que tout le monde entend nous écouter alors? Amen. Je crois que tout le monde écoute. Oui, frère, on va continuer au nom de Jésus. Je m'excuse vraiment, les soeurs. C'est pas facile avec les machines, si les appareils ici, là. Je me donne vraiment. J'achète tout nouveau. Mais il y a toujours des problèmes. Mais le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, tout ça, c'est le travail des hommes, frère. Amen. Le Seigneur va m'aider. Mais c'est la radio des femmes, là. C'est la radio des femmes. Et les femmes doivent gérer ça. Donc, il faut que les soeurs, là, prient pour que tes doigts deviennent ceux d'un technicien, d'une technicienne, n'est-ce pas? Alors, on rappelle d'abord, premièrement, le numéro avant de voir c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Le numéro pour appeler. Oui, le numéro pour appeler, c'est le 001-619-638-8534. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on parle de quoi aujourd'hui, ma chère sœur? On a parlé dernièrement, je sais, parce qu'on parle, on fait deux émissions en anglais et en français. Oui. Je ne sais pas si on a parlé du sabbat en français. Okay. Oui, on a parlé du sabbat en français. Est-ce qu'on a parlé du sabbat en français déjà, hein? Oui, je crois. Donc, aujourd'hui, on devait parler Jésus-Christ. Non, on n'a pas encore parlé du sabbat en français. On n'a pas encore parlé du sabbat en français, mais on va en parler. Il faut qu'on parle en profondeur en français pour que les frères et sœurs d'expression française puissent en profiter aussi. Donc, on peut parler de la divinité de Jésus, n'importe quel sujet. Alors, j'ai ma Bible devant moi, on peut y aller. N'importe quoi, ça dépend de vous maintenant. On parle de quoi? Mais ça, on avait parlé de sabbat en français, mais je crois que c'est en anglais qu'on a parlé du sabbat. Oui. Donc, vous souhaitez qu'on parle de sabbat ou bien qu'on parle de la divinité de Jésus? Parce que, en fait, s'il s'agit de la divinité de Jésus, je vous rassure, 2 heures ne suffiront pas, même 3 émissions ne suffiront pas pour déchiffrer tous les aspects dans la parole de Dieu. Parce qu'il y aura tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, que 2 heures et même trois, ça ne suffiront pas. Donc, ça dépend de vous maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, ma soeur? Je suis devant vous. Alléluia. Moi, je veux qu'on parle du sabbat parce que c'est un domaine qui dérange beaucoup les soeurs. Oui. Beaucoup les enfants de Dieu ou d'autres personnes disent que c'est samedi, d'autres disent que c'est dimanche. Mm-hmm. Donc, je voudrais qu'on parle du sabbat. Ok. Et ça va avec le programme en français, oui. En anglais, parce que les émissions en anglais sont plus avancées que nous. Ok. Donc, est-ce que les sœurs sont d'accord pour qu'on puisse partir? Demande-leur comme ça si elles sont d'accord, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a les chrétiens qui sont les dictateurs là sur la radio Femmes Vertueuses. Donc, il faut que ce soit la liberté du Seigneur Jésus. Donc, si les sœurs sont d'accord, c'est qu'elles écrivent Amen, je ne sais pas comment on communique, comme ça, elles écrivent Amen, on commence avec le sabbat. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes d'accord, on parle du sabbat aujourd'hui. Oui, donc elle dit pas, l'autre dit pas. Oui, allons-y pour le sabbat, frère. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Alléluia. Mm-hmm. Donc, par la grâce de Dieu, on va parler du sabbat. Alors, qu'est-ce que le sabbat, proprement dit? On va prendre, d'abord, commençons, j'espère que le son est clair. Seigneur, je prie, Père, que tu bénisses toute personne qui écoute cette émission-ci aujourd'hui. Je prie, Père, de croire que tu contrôles tout depuis le départ. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, garde tous ceux qui écoutent ceci et je prie, Père de gloire, que tu touches le cœur de quelqu'un, que tu touches ceux, ô Dieu de gloire, qui étaient troublés et que la vérité soit affranchisse quelqu'un aujourd'hui dans le précieux et divin nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va commencer cette affaire de sabbat en lisant d'abord Matthieu chapitre 5. Donc, frères et sœurs bien-aimés, commençons en lisant dans Matthieu chapitre 5 le sabbat. On va lire l'histoire du sabbat dans Matthieu chapitre 5. Donc, ouvrons notre Bible. Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 17 premièrement, 17 à 19. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Alléluia. Donc, Seigneur, ajoute vraiment la bénédiction et des bénédictions à la lecture de ta parole. Je prie, Père de gloire, que tu bénisses tes enfants à la maison alors qu'ils feuillettent cette Bible. Je prie particulièrement pour les pasteurs qui étaient eux-mêmes troublés par cette notion. Souvenez-vous, bien-aimés frères, dans le monde entier, bien-aimés sœurs, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu ne dit pas oui et dit non par la suite sur le même sujet. Si c'est oui, c'est oui. Tout au long de la Bible, si c'est non, c'est absolument non. Alors donc, pour qu'une doctrine soit scripturaire, il faut amener l'Ancien et le Nouveau Testament à la compréhension, c'est-à-dire en harmonie. Si quelque chose est dit dans l'Ancien Testament, et il faut éviter la manière de dire, on ne peut pas toujours prendre l'Ancien Testament et dire, on se cale là-dessus, non. La manière de faire du Saint-Esprit, c'est il peut donner quelque chose comme l'ombre. Donc il faut donc regarder dans l'Ancien Testament et voir les choses qui sont comme l'ombre et voir la réalité dans le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'il faut procéder, bien-aimé. So, avant qu'on avance, il faut qu'on mette tous ces garde-fous-là. Souvenez-vous, dans le livre des Romains, au chapitre 3, le verset 3, il est écrit que seul Dieu soit pris pour vrai et que tout homme soit reconnu comme menteur. Et dans Proverbe, chapitre 30, le verset 6, il est dit « N'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te répugne et que tu ne sois trouvé menteur. » Et la Bible ferme sa couverture dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 18, en disant que sa parole est totale, cette livre de prophétie est parfaite, on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien en retrancher. Et je mets en garde encore quiconque dans le monde entier, depuis qu'il commence à enseigner, qui se met à enseigner. Jacques chapitre 3, verset 3 dit que frère, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. En fait, c'est cette non-compréhension de mise en garde qui fait que beaucoup de dérives ont lieu aujourd'hui, parce que les gens se lèvent sans que Dieu ne leur ait envoyé, parce qu'ils ont fait une certaine formation théologique. On croit qu'on peut maîtriser ceci comme ça. Non. Dieu a les gens qu'il a envoyés, qu'il a prédestinés pour cette tâche. Parce que voilà pourquoi il peut leur révéler les choses cachées. Il peut illuminer leurs pensées par le Saint-Esprit afin que la parole soit claire pour eux. Et à ces personnes-là, il peut leur donner l'harmonie des Écritures et permettre aux enfants d'écouter. Alléluia. Ça veut dire que si tu écoutes la voix de l'Esprit, la Bible déclare clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, comme la sœur Claire, comme tu as si bien dit, il y a beaucoup de personnes qui sont troublées aujourd'hui par le sujet du sabbat. D'autres disent que le sabbat c'est samedi, d'autres disent que c'est dimanche. Non, les adventistes, certains jours disent que non, c'est le pape, c'est la papauté qui a changé la loi du samedi à dimanche, ce qui fait que les gens en adorant ainsi, on adore le dimanche, le dieu soleil. Donc on va voir tout ça en harmonie. Mais premièrement, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on regarde dans la Bible d'abord premièrement, pourquoi le sabbat a été donné un, à qui le sabbat a été donné deux, les chrétiens sont-ils tenus aujourd'hui d'annoncer, d'obéir au sabbat trois, tous ces aspects-là, on va le voir. Alléluia. Donc commençons dans ce Matthieu chapitre 5 pour mettre donc les garde-fous. Lisons le verset 17. Le verset 17 dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Alléluia. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, nous comprenons très bien que si quelqu'un dit que le sabbat n'est plus d'actualité ou bien que le sabbat a été aboli, il se trompe. Parce que Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Donc, premièrement, on commence à se mettre en idée que si le sabbat n'est pas pour les chrétiens, alors forcément, il faut qu'on voit dans la Bible que Christ l'a accompli. Alléluia. Maintenant, verset 18, il dit quoi? Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et souvenez-vous, quand le Seigneur va aller à la croix, il va dire tout est accompli. Donc si et souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 11 toujours, il est écrit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis là, le royaume des cieux est forcé. Et ça veut dire que ça devait se limiter à Jean. Les prophéties devaient se limiter à Jean. Les prophéties relatives au Messie devaient se limiter à Jean. Et Jean introduit sur la scène publique donc le Messie. Alors maintenant, le Messie est celui qui devait incarner toute la loi et les prophètes, puisque toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de lui. Alors, il y a donc les événements qui s'est passé, les événements qui devraient accomplir physiquement et par la suite au travers du Saint-Esprit jusqu'à l'avènement de la fin du monde. Donc, il faut qu'on mette chaque chose à sa place. Le sabbat est un sujet délicat, mais il n'y a pas de question d'ordre biblique dont le Saint-Esprit n'a pas répondu. Voilà pourquoi il rend gloire à l'Éternel. Parce qu'il ne nous a pas laissé dans l'obscurité. Pardon, parce que si Dieu nous avait laissé dans l'obscurité, il n'avait pas donné son Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. On va aller dans tous les sens comme on va avec les dénominations. Alors, mes sœurs bien-aimées, mes frères bien-aimés, voici l'une des raisons, voici l'une des choses que vous devez comprendre pourquoi. Il faut vraiment sortir des dénominations parce que chaque dénomination a sa zone d'interprétation. Vous voyez, les adventistes du septième jour disent que si quelqu'un n'honore pas le sabbat, alors il n'a pas le sceau de Dieu. Par conséquent, si quelqu'un honore le dimanche, alors ils ont la marque de la bête. Or, en regardant la Bible, on va voir clairement qu'il n'en est absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits. Donc, tous ceux qui me suivent maintenant, pasteur adventiste du septième jour, je sais très bien que vous suivez Ellen G. White, il n'y a pas de problème. On va voir dans ses écrits également en profondeur où ils ont fait l'erreur. Donc, allons dans la Bible, puisque la Bible est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, il dit au verset 19, c'est le Seigneur qui parle. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera guidera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Ceci nous met en garde sur quelque chose. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui, comme je suis en train d'enseigner le sabbat, si j'enseigne le sabbat, que le sabbat ne doit pas être observé par les chrétiens, alors que Dieu veut qu'on l'observe, alors non seulement je n'observe pas, je vous entraîne dans l'erreur. Voilà pourquoi il faut vraiment vérifier conformément à Actes chapitre 17, le verset 11. Alléluia. Le verset 20 dit quoi? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, écoutez bien, chers amis, je vais prendre quelque chose maintenant pour vous montrer le pourquoi. Gardons les mains dans le livre de Matthieu chapitre 5. Dans ce Matthieu chapitre 5, on va y revenir. Dans ce Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans Matthieu chapitre 5 quelque chose. Mais gardons donc la main. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, suivez-moi attentivement, ouvrez votre Bible et suivez dans votre Bible. Il ne faut pas admettre en suivant la voie, peut-être le discours peut être bien agencé comme on fait souvent et puis on est séduit par cela. On ne doit pas être séduit, vous devez vérifier n'importe quoi. Ne regardez pas le nom d'un prédicateur, ne regardez pas le titre d'un prédicateur, mais regardez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la dernière autorité. Quelle que soit la personne qui peut tordre les écritures, souvenez-vous, il le tord pour ses propres ruines. Donc, vous pouvez vous laisser comme vous trompe au sujet de votre argent, de votre compte en banque, de votre maison, mais ne laissez pas que quelqu'un vous trompe au sujet de votre âme. Parce que la Bible déclare que recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous par laquelle qui peut sauver vos âmes. Donc c'est l'âme qui est en jeu ici là. Donc faisons bien attention, bien-aimés sœurs. Allons dans le livre de Jean au chapitre 4. On va y revenir. Souvenez-vous, si vous ne fermez pas Matthieu chapitre 5, on va revenir dans Jean chapitre 4 maintenant. On va lire le chapitre 4. Amen. Amen. Alléluia. Donc lisons le verset 23 à 24. On va voir quelque chose. 23 à 24. Ça, c'est l'histoire de la femme qui s'entretient avec Jésus au bord du puits, la femme qu'on appelle femme samaritaine. Regardez bien. Après l'intercation entre Jésus et la femme, Jésus dit quelque chose au verset 23. Pourquoi? Parce que la femme lui dit au verset 21, verset 22, il dit, la femme lui dit à partir du verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous voyez cela? Parce qu'il y avait, la dénomination était dans l'esprit de cette femme. Vous voyez, cette histoire de dénomination, vous pouvez voir ça partout dans la Bible. Regardez, elle dit que c'est vous, vous dites que c'est chez vous, chez les Jérusalémistes, qu'on veut adorer Dieu et que Dieu peut écouter. L'autre, il dit que c'est nous, chez les Samaritaniestes, c'est là, c'est dans notre dénomination qu'on écoute, que Dieu nous écoute. Jésus lui dit ici maintenant au verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que les oracles, les commandements ont été donnés aux Juifs. Maintenant, verset 23, Jésus dit quoi? Mais l'heure vient, écoutez bien, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Donc, à l'instant où Jésus-Christ parle, c'est déjà venu. Donc, à l'instant où Jésus-Christ parle, là, comme ça, là, l'ère dénominationnelle a déjà disparu. Ça veut dire que tout ce qui causait division dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ceux qui adorent le Seigneur, doivent être brisés. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, souvenons-nous de cela, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc si quelqu'un aujourd'hui dit que c'est en tel lieu qu'il faut aller adorer, c'est en tel lieu qu'il faut aller encore adorer, il est un samaritain ou bien un jérusalemiste. Donc c'est un dénominationniste. Un adorateur du Père adoreront en esprit et en vérité. Et il n'est pas limité par par l'espace, ni par le lieu, ni par les jours. Remarquez bien au verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que Dieu a donné le commandement aux hommes. Alléluia. Et les gens ont commencé à vivre comme Dieu. Ils ne vivent pas comme Dieu voulait. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu commence maintenant à enseigner aux gens par la loi de Moïse que voici comment vous devrez vivre. Pas pour qu'ils vivent, mais pour qu'ils vivent selon l'esprit de la loi. Imaginez, comprenez bien ceci. Dieu n'a pas donné le commandement pour que les gens obéissent au commandement. Non. Dieu a donné le commandement. C'est quand même bizarre ce que j'en ai dit là, mais c'est la Bible qui l'enseigne ainsi. Dieu n'a pas donné le commandement. Dieu a donné le commandement pour que les gens voient qu'ils étaient pécheurs et qu'ils n'avaient pas possibilité d'obéir à Dieu parce que Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit et nous sommes charnels. Alléluia. Donc, pour adorer Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on adore en esprit. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme esprit. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, puisque Dieu est esprit, alors l'homme est esprit habitant dans un corps et possédant une âme. C'est cet homme intérieur là, l'homme intérieur, comme l'apôtre Paul le dit, l'homme intérieur, c'est lui qui doit adorer Dieu. Or, si cet homme intérieur n'est pas spirituel, il ne peut pas adorer Dieu comme Dieu veut. Alléluia. Maintenant, nous sommes charnels. Dieu est esprit. Comment donc adorer Dieu? Voilà le pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père, afin que nous adorions Dieu comme il le veut, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit à cette femme, l'heure est venue, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, avançons dans le livre des... Romains au chapitre 7, on va voir quelque chose. Donc, pour qu'on voie ce que la loi a été, pourquoi la loi a été donnée. Et puis, par la suite, on va revenir dans Romains pour que vous compreniez. Il faut vraiment qu'on situe d'abord cela. On va aller vraiment rapidement. Je sais que les gens qui sont dans le monde entier m'écoutent maintenant, lisent la Bible. Donc, ça va être facile. Si vous avez déjà lu votre Bible au moins une seule fois, ça vous sera vraiment facile. Maintenant, regardons, on va prendre Romains au chapitre 7, parlant de la loi. Regardez bien. Il va d'abord lire verset 1. Regardez. La Bible déclare, ignorez-vous, frères. Il dit, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Qui connaissent la loi. Imaginez-vous, il parle aux gens qui connaissent la loi. Il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Remarquez très bien. Il veut parler de que si l'homme meurt, la loi perd son pouvoir. Or, comme c'était la loi du péché, la loi qui indiquait le péché, si quelqu'un meurt, le péché est effectivement aboli. Ça veut dire que son jugement passe. Voilà pourquoi Christ est venu mourir aux œuvres de la loi afin que nous vivions maintenant pour Dieu. Amen. Maintenant, si nous regardons très bien, continuons au verset 4. Regardez, continuons au verset 4. La Bible déclare, « Des mêmes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Remarquez très bien. On a quitté sous le pédagogue qui était la loi et on appartient maintenant à Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. » Écoutez bien, dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et souvenez-vous bien de ça. Il parle effectivement de la loi qui est écrite dans Deutéronome, dans Exode et dans autres là-bas. Il dit « De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc comprenez très bien que qu'est-ce qu'il veut vous faire montrer ici? Il veut d'abord vous montrer que la loi de Dieu est spirituelle. Donc la loi de Dieu n'est pas la lettre. Je recommence encore. La loi de Dieu est spirituelle, non la lettre. Il dit ici que, et de sorte que nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à cette femme-là que l'heure vient et elle est déjà venue. Ou ce n'est plus de cette façon-là, votre façon charnelle de servir Dieu que vous allez servir. Et en fait, il veut indiquer que, alléluia, il veut indiquer que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Et ici, la Bible nous dit dans cette partie CD de Romains 7, verset 6, que de sorte que nous avons été dégagés de la loi pour appartenir à Christ, de sorte que nous servons Dieu dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, verset 7, continuons. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il dit, non, loin de là. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convertiras point. Souvenez-vous, c'est écrit dans la loi. Maintenant, il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, j'ai mouru. Écoutez bien. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Écoutez très bien, bien mes frères et sœurs. Il n'y a pas de choses dans la loi qui a été donnée qui est mauvaise pour l'homme. Mais ce que je veux qu'on se comprenne premièrement, c'est que la loi est spirituelle. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Il dit loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, Dieu a envoyé la loi pour montrer à l'homme qu'il était pécheur et qu'il n'avait pas la source, la possibilité de se sauver par lui-même. Voilà pourquoi il nous a prouvé un sauveur. Dieu voulait en quelque sorte attirer l'attention de l'humanité sur le fait qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et il devait montrer cela par la loi et montrer qu'il est le Dieu qui va juger les vivants et les morts. Maintenant, écoutez verset 14. Verset 14 dit quoi? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Comprenons très bien. Il dit, nous savons que la loi est spirituelle. Écoutez, vous tous qui m'écoutez, Adventiste le 7e jour, 8e jour, ou 9e jour, ou 11e jour, quoi que ce soit. Écoutez très bien, la Bible dit, la loi est spirituelle. Ça veut dire que c'est spirituellement que Dieu parle. Dieu ne parle pas des choses charnelles. Quand le Seigneur Jésus parlait des semences, il voulait parler de la parole de Dieu. Quand il parle de l'huile, il parle du Saint-Esprit. Donc, il ne parle pas de nos choses charnelles ici. Donc, chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler, il parle des choses spirituelles. Il dit donc que nous savons en effet que la loi est spirituelle et moi, je suis charnel vendu au péché. Charnel vendu au péché. Donc, Dieu a donné la loi pour condamner la chair. Alléluia. Pour condamner la chair, pour condamner la chair. Il dit, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Il dit, verset 16, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, donc l'humanité avait le péché, les hommes avaient le péché habitant en eux, et ne peut pas s'en dégager. Dieu voulait comme ça, par la loi, doiter ce péché. Et maintenant, vous allez voir maintenant comment l'apôtre Paul va dire. Il dit, verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, il ne peut pas s'en séparer. Il dit, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, selon l'homme intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi. Dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, mais donc, misérable qui je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Après, quand il se tourne par révélation, il regarde, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il dit quoi? La loi était spirituelle. Moi, je suis charnel. Remarquez encore verset 14 là-bas. Il dit quoi? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Donc, charnellement, on ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Je répète encore. Charnellement, on ne peut pas obéir au commandement de Dieu. On ne pouvait pas obéir au commandement de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a dit à cette femme-là que vous obéissez au Dieu de la Bible de façon charnelle. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais, ça suppose qu'avant là c'était les faux. Les vrais adorateurs adoreront en esprit, le Père en esprit et en vérité. Donc, comprenons maintenant pour mettre les gardes fous, c'est que la loi, toute la loi est spirituelle. Maintenant, on va rentrer dans le livre des Jean, de Matthieu chapitre 5 que nous avons pris tout à l'heure là. Rentrons-y maintenant et voyons maintenant effectivement que la loi est spirituelle pour expliquer aux uns et aux autres. Bien-aimés frères et sœurs dans le monde, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Pasteur, pentecôtiste, adventiste 7e jour particulièrement. Tous ceux-là qui sont sous le joug de cette observance de la prescription, des prescriptions du 7e jour. Donc, lisons le verset 21 de Matthieu chapitre 5. Lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit quoi, verset 21? Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Alors maintenant, si vous ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 23, vous allez voir que ça fait partie intégrale. C'est l'un des 10 commandements que Dieu a donné. Jésus dit que vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous voyez? Donc, voici un point des 10 commandements. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit à la femme que vous devez servir Dieu maintenant en esprit et en vérité. Pas selon la lettre, selon le livre des Romains au chapitre 7. Mais maintenant, verset 22, il dit quoi? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Remarquez très bien. Il dit quoi? Quiconque. Il dit, Jésus dit, mais moi, je vous dis. Pourquoi? Jésus-Christ est venu pour montrer la réalité qui était dans les commandements. Il était écrit à la lettre que si tu tues ton frère, alors tu es un meurtrier. Jésus-Christ veut montrer ici que nul besoin de verser du sang. Quelqu'un peut être en France, l'autre habite en Tunisie ou bien en Italie. Tu hais la personne dans ton cœur. La Bible déclare directement que tu es un meurtrier. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 15, il est écrit clairement là-bas que quiconque hait son frère, c'est un meurtrier. Et il est dit, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc il suffit que tu hais ton frère alors que ton frère n'est même pas à côté de toi. Il y a des gens qui haient leurs parents. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant, que les gens, on leur a fait beaucoup de choses et ils ont gardé la haine dans le cœur pour contre cette personne. Si tu ne t'assois pas maintenant et que tu pardonnes, alors tu es un meurtrier. Tu dois comprendre que tu es un meurtrier. Tu ferais mieux de pardonner. Alors sinon, le commandement te culpabilise. Alléluia. Tu es coupable face au commandement de Dieu. Souvenez-vous, c'est spirituel. Il a dit que la loi est spirituelle et je suis charnel. Je vais bien expliquer ceci. Donc, dans Exode chapitre 20, le verset 13, si vous lisez, vous allez voir là-bas que tu ne tueras point. Dieu avait dit tu ne tueras point. Ce qui fait que les gens faisaient l'effort pour ne pas verser du sang. Alors, Jésus-Christ vient leur expliquer maintenant que ce n'est pas seulement ça. Il faut que vous compreniez le sens qui était à l'intérieur. À l'instant où tu te mets en colère contre quelqu'un, tu as déjà tué. Alléluia. Donc, Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend maintenant la loi qui était écrite de façon littérale pour lui montrer la signification spirituelle. Donc la loi est spirituelle, il faut le faire spirituellement. Alléluia. La Bible déclare maintenant, allons-y au verset 27. Regardons au verset 27. 27 et 28. Lisons 20. Lisons Matthieu chapitre 5, les versets 27 et 28. Souvenez-vous. Il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Si vous lisez ça c'est un autre commandement qui se situe dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 14. Il dit dans le livre d'Exode chapitre 20, il dit que vous ne convoiterez point, vous ne commettrez point d'adultère. C'est tout simplement ce qui est écrit dans le livre des anciens 10 commandements. Je suis en train de parler aux gens parce qu'on utilise ces choses-là pour les perturber en disant que comme c'est dans les 10 commandements, il faut qu'on obéisse. Non. Dieu ne nous a pas invités à obéir les 10 commandements, encore moins de lutter contre le péché. Dieu n'a pas ordonné aux gens de lutter contre le péché. Il faut qu'on soit délivré du péché. Alors, et la seule façon d'être délivré du péché, c'est lorsqu'on est en Christ. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchi, écoutez bien, affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, dans ce Matthieu chapitre 5, le verset 27, la Bible dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque, soit prophète, pasteur, archbishop, n'importe quoi, il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire, bien aimé frère, si tu te trouves en Afghanistan, à Houston, au Texas, tu regardes la photo d'une sœur, tu convoites dans ton cœur, alors que la sœur n'est même pas à côté de toi, tu as commis adultère avec elle. Ça, c'est ce qui est clair. C'est la loi. C'est pour dire que quoi? Tu n'as pas besoin de passer à l'acte. À l'instant où tu as pensé, tu as médité, tu as consommé le péché dans ton cœur, Dieu veut dire quoi? Que la loi est spirituelle. Donc, ça veut dire que c'est l'homme intérieur qui est le problème maintenant. Donc, c'est l'homme intérieur. Il en va de même pour le sabbat. Il en va de même pour le sabbat. Remarquez très bien que si vous lisez tous les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, plus tard, un homme riche va venir vers Jésus, va lui demander que, Seigneur, quel est le plus grand commandement et autre. Il a dit que j'ai obéi les 10 commandements. Les pharisiens vont lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Il va citer le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur parce qu'il est le seul Seigneur et tu aimeras le Seigneur de tout ton prochain comme toi-même. Donc le Seigneur Jésus-Christ va lister tous les commandements qui sont appelés les 10 commandements ou bien la décalogue. Mais le quatrième commandement, écoutez très bien, le quatrième commandement où il est écrit, souviens-toi. Je sais que les adventistes, c'est un jour, mettent l'emphase sur souviens-toi. On va voir pourquoi maintenant la Bible dit à qui ça a été adressé. Parce qu'ils disent qu'il est écrit que souviens-toi. Souvenez-vous de ceci. Avant que la loi ne vienne, Dieu a créé les cieux et la terre longtemps avant. Il s'est reposé le septième jour et c'est plus tard qu'il appelle Abraham. Jusqu'à ce que la loi vienne, les hommes n'obéissaient pas au septième jour comme les gens disent là. Donc jusqu'à de Adam jusqu'à la loi de Moïse, plus de 1500 ans, les gens n'ont pas obéi au sabbat. Pour autant, il y avait les justes. Enoch a été enlevé, Noé est passé par la grâce et ainsi de suite. Pour vous montrer que c'était une chose spirituelle. Comme on va aller dans le Nouveau Testament, nous allons bien comprendre le pourquoi le sabbat a été donné, à qui cela a été donné, ce que ça signifie. Et autre chose, j'aimerais bien attirer l'attention des uns et des autres, surtout les adventistes de certains sur un fait. Ils insistent sur le sabbat. Dans Lévitique chapitre 19, verset 30, la Bible déclare que veillez à observer mes sabbats. Remarquez très bien que sabbat là-bas c'est au pluriel. Vous voyez? Donc on insiste sur le sabbat hebdomadaire, ne sachant pas qu'il y a les sabbats, il y a les années sabbatiques. Donc, on va entrer à l'intérieur pour dire que si tu insistes pour adorer un sabbat, pour observer un sabbat, il va falloir que tu observes tous les autres sabbats et les sabbats doivent être respectés tels quels. Vous n'allez pas prendre quelque chose dans le sabbat et faire comme vous voulez. Si vous voulez respecter le sabbat, vous allez respecter ça entièrement comme Dieu a dit, comme il a prescrit. Parce qu'il a dit, vous ne différez pas de m'offrir des sacrifices le jour du sabbat, ainsi de suite, on va voir. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement le sabbat hebdomadaire qui est recommandé. Il y a les sabbats annuels, les sabbats après 6 ans et vous voyez, après 49 ans, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est-à-dire que la solennité, la fête qui libérait les gens sous le joug de l'esclavage. Donc on va voir tout cela. Et tout cela, quand on comprend bien la personne de Jésus-Christ, on comprend que c'était des hommes et que c'était des prophéties liées à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les adventistes du septième jour n'ont qu'à bien s'attendre encore maintenant. Ils vont vraiment obéir leur sabbat maintenant ou bien ils vont vraiment être libres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le sabbat, pourquoi le sabbat? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ cite tous les commandements sans citer dans le sabbat? Souvenez-vous directement qu'il est écrit là, dans le livre de Matthieu, il a dit quoi? Il dit que le Fils de l'homme est maître des sabbats. En fait, Les deux seules choses qu'on accusait à Jésus, les deux seules choses qu'on accusait de Jésus, c'était qu'il violait le sabbat. Remarquez très bien, Jésus, notre Seigneur allait à la croix, on l'a crucifié parce que non seulement il appelait Dieu son Père, se faisant long, appelait lui-même Dieu. Et la deuxième chose qu'on l'accusait, c'est qu'il violait le sabbat. Donc voilà pourquoi on l'a tué véritablement. Vous voyez, nulle part Jésus-Christ n'a observé le sabbat, n'a observé, écoutez, littéralement, parce qu'il était venu, il est venu pour guérir, parce qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur est sous moi, littéralement, pour guérir les malades, et il guérissait les malades. Alléluia, il sauvait des gens les jours du sabbat pour le montrer, et effectivement c'était son œuvre. Pour le montrer, c'est lui le Dieu le créateur qui a donné le sabbat à Moïse dans la loi, dans qu'elle était dans la colonne de feu sur la montagne à Horeb. Alors maintenant il vient pour le, il dit clairement que le sabbat a été fait pour l'homme, c'est pas l'homme qui a été fait pour sabbat. Alléluia, le sabbat a été fait pour l'homme, le repos a été fait pour l'homme pour qu'il vienne dans le repos de l'Éternel. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi le sabbat a été donné et qu'est-ce que c'est que le sabbat. Comprenez que Jésus-Christ était le sabbat de Dieu et nous croyons en Jésus, nous entrons dans, quand nous croyons en Christ, nous allons entrer dans le sabbat de Dieu comme Dieu le dit. Amen. Donc pour avancer pour le sabbat, j'aimerais d'abord expliquer avant de montrer si oui ou non. En fait, clairement, je peux donc dire clairement que les chrétiens n'ont pas un ordre à observer le sabbat. Premièrement, on va voir à qui le sabbat a été donné. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Exode. Exode, on va aller rapidement pour que ces 2 heures de temps qui nous a été consacrés par le Seigneur puissent vraiment être bénéfiques pour tout le monde. Donc frères et sœurs, vous pouvez poser les questions par écrit ou bien en appelant si vous voulez. Donc Exode chapitre 31, prenons le chapitre 31, lisons les versets 12 à 17, on va voir clairement. Donc première chose, on va voir à qui le sabbat est adressé. Première chose, alléluia, Exode 31, versets 12 à 17, je lis maintenant. Exode 31, versets 12 à 13, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Remarquez très bien que dans votre Bible, c'est au pluriel, c'est ce qu'il disait. Donc quand les gens disent qu'il faut qu'on observe le sabbat, ce n'est pas seulement le sabbat, ce sont les sabbats. Parce que les gens pensent qu'il y a seulement le sabbat du samedi, non. Je vais vous montrer clairement ici, il y a les années sabbatiques, c'est-à-dire après 6 années, la 7e année c'était les années sabbatiques. Il y a donc le sabbat hebdomadaire, il y a le sabbat chaque, il y a les différents types de sabbat, de Yom Kippour, de Pinsan, Levin, ainsi de suite. Donc, il dit ici que vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, vous les enfants d'Israël, et parmi vos descendants. Donc, je ne sais pas si les aventures de certains jours font partie du peuple d'Israël. Il dit, vous et parmi vos descendants, un signe auquel vous on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors maintenant, si tout le monde entier appartient au peuple de Dieu et sont dans cette alliance ici, qui d'autres donc vont reconnaître qui font partie du peuple de Dieu? Si tout le monde donc doit obéir au sabbat de Dieu, il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur qui vont reconnaître que ceci a été donné comme signe pour d'autres peuples. Je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas comprendre ceci. Verset 14, il dit quoi? Vous observerez le sabbat. Remarquez très bien maintenant qu'ici c'est au singulier. Donc, verset 14, il dit vous observerez le sabbat. Au verset 13, il est dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Donc, ceux à qui ça a été abaissé ici, non seulement ont le sabbat hebdomadaire, ils ont aussi les autres sabbats. Verset 14, il dit, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Donc commencez à regarder dans la Bible. Pourquoi? Parce que 6 c'est le chiffre de l'homme. Le 7 c'est pour Dieu. Chaque fois qu'il y a une six période, le 7e doit être pour Dieu. Donc quand vous voyez que 6 années sont passées, vous qui observez le sabbat là, sachez que après chaque 6 années, la 7e année doit être consacrée à Dieu. Donc toute votre année là, vous ne travaillez absolument rien. Et je commence encore. Toute votre année, l'année 7e année, vous ne devez rien faire qui concerne le travail. Comme vous voulez observer au sabbat. Et maintenant, après chaque 7 années sabbatiques, il doit avoir la Pentecôte. Maintenant, verset 15, la Bible déclare les enfants d'Israël. C'est écrit là-bas. Il n'a pas dit le monde. Il a dit les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant. Eux et leurs descendants comme une alliance. Écoutez très bien. Comme une alliance perpétuelle. Si Dieu avait fait cette alliance avec tout le monde, alors il n'avait pas besoin de préciser que les gens devraient l'extérieur devoir constater parce que tout le monde serait dans l'alliance. Dieu n'a pas fait ça avec l'alliance avec le monde. Non. Par exemple, quand Dieu a fait alliance avec Noé, avec l'arc ancien, je crois que c'est comme ça qu'on appelle l'arc ancien, ces choses-là qui a cette couleur. Il a dit quoi qu'il ne détruirait plus la terre. Ça veut dire que Dieu est entré en alliance avec la terre entière. Alléluia. Donc il ne détruira plus la terre avec de l'eau. Mais souvenez-vous de ceci, le Dieu qui a dit qu'il ne détruira plus la terre avec de l'eau a promis qu'il va détruire cette façon avec du feu. Donc l'alliance la tient toujours. Donc quand Dieu dit ici aux enfants d'Israël, il dit dans verset 16, il dit les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. verset 17, il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, vous voyez, Dieu s'est choisi un peuple comme Simon le dit, que, comme il dit dans Actes des Apôtres, que Simon a d'abord raconté comment Dieu a jeté son regard sur la terre pour choisir un peuple qui lui appartient. Donc, Dieu s'est choisi un peuple par qui il doit révéler ses lois, par qui il doit révéler son amour, il doit révéler sa puissance, la puissance de sa création. Il s'est choisi un peuple d'Israël. Et il est donc entré en alliance avec ce peuple-là pour pouvoir manifester sa divinité, pour pouvoir manifester sa puissance maintenant, et tout cela était de l'ombre des choses maintenant pour faire entrer des gens dans la vie spirituelle que Dieu veut avec l'humanité. Alléluia. Donc Dieu dit ici là que ce sera entre, regardez bien le verset 17, soulignez ça dans votre Bible, ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Il n'a pas dit ce sera avec moi, entre moi et les enfants des hommes. Il n'a pas dit qu'il a donné le fils du sabbat, le sabbat au fils des hommes. Non, il a dit qu'il a donné aux enfants d'Israël comme un signe qui devra durer à perpétuité. Donc c'est entre Dieu et Israël. En fait, tout ce qui est très à voir avec le sabbat montre que c'est avec Israël. On va voir tout ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait un lieu en Israël où Dieu a fait résider son nom. Ce n'est que là-bas qu'on pourrait faire tout ce qui était là parce que la tente d'assignation, eux, ils avaient. Pourquoi? L'âge de l'alliance, ils avaient l'âge de l'alliance. Quand vous célébrez votre sabbat, là, vous avez l'âge de l'alliance auprès de vous pour que l'âge de témoignage, oh, que Dieu nous pardonne. Donc maintenant, verset 18, qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque l'Éternel y acheva de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Sur cette table-là, la Bible déclare que ce sont les 10 paroles, telles qu'on est en train de lire maintenant. C'est-à-dire que ce sont les paroles de la loi. Donc je prends cet Exode chapitre 31, verset 12 à 17 pour vous montrer, pour vous préciser que les sabbats, il y a donc seulement les sabbats, il y a aussi le sabbat à observer. Et l'ordre d'observer le sabbat a été donné aux Juifs. Et Dieu a bien dit que c'était entre lui et les Juifs, pas lui avec les chrétiens. Nulle part dans le Nouveau Testament, si vous allez nulle part, il n'y a aucune recommandation pour les chrétiens à observer un jour. Donc les chrétiens ne sont pas les chrétiens d'un jour, non. Si vous dites aussi, vous les chrétiens qui dites que vous allez rendre culte à Dieu dimanche, non, vous ne rendez pas votre culte, jusque là vous êtes toujours dans la religion. Vous rassemblez autant que le Saint-Esprit vous demande de vous rassembler. C'est pas comme ça, c'est pas des jours programmés, c'est sous la puissance du Saint-Esprit que les gens se réunissent. Alors là on rend un culte à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un se, hormis votre jour des assemblées, tu peux aller rendre visite à une sœur. Subitement, le Saint-Esprit amène une autre sœur ou bien un autre frère. Vous êtes trois. Et Jésus a dit, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu. Voilà les vrais adorateurs de Dieu. C'est-à-dire que unis par le Saint-Esprit dans le seul nom de Jésus-Christ qui partage un même but, une même bénédiction du même royaume. Alléluia. Maintenant, restons dans le livre d'Exode et Lévitique et amusons-nous un peu avec la parole de Dieu face à ceux qui disent qu'ils vont obéir le sabbat. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Lisons le livre Lévitique, restons d'abord dans le livre d'Exode au chapitre 35. Lisons Exode chapitre 35, puisque nous y sommes. Exode chapitre 35, lisons des versets 1 à 3 et voyons quelque chose. Regardez bien, ce sont les prescriptions sur le sabbat. Donc, si quelqu'un veut prendre le sabbat, vous devez prendre la Bible dans son entier. Si vous prenez l'Ancien Testament, vous allez voir par semaine là-bas, Lévitique, Nombre, Exode, Deutéronome, vous allez voir les choses qui concernent le sabbat. Voilà pourquoi je vous les réunis comme ça, pour que vous voyez qu'il est quasi impossible aux chrétiens de les observer. Parce que, un, vous n'avez pas de temple. Parce que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Au temple de Jérusalem, se trouvait le lieu saint et le lieu très saint qui symbolisait l'entrée, c'est-à-dire les voiles devaient être déchirées pour que nous ayons l'accès auprès du Père, le Holy of Holies, le lieu très saint. Maintenant, cela a été déchiré. Celui qui était dans le lieu très saint est sorti. Il habite dans nos cœurs. Pourquoi on puisse maintenant donner les victimes spirituelles agréables à Dieu? Comment on veut toujours rentrer sous la forme cultuelle de façon charnelle? Souvenez-vous, même si vous rentrez, vous n'accomplirez pas. Parce que la Bible est claire. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés, que nous recevons l'Esprit, mais c'est par la foi, par la grâce, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le moyen des œuvres, afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Donc, Exode chapitre 35, prenons le verset 1 à 3, il est écrit, Moïse convoqua, Exode chapitre 35, verset 1 à 3, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire, écoutez bien, ordonne de faire, verset 2, on travaillera six jours, mais le septième jour sera pourvu une chose sainte, c'est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Écoutez bien maintenant, écoutez mes chers amis, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc vous qui êtes là, si vous avez, vous, particulièrement ceux qui sont en Europe, si vous êtes en hiver, que ça tombe un sabbat, vous voulez obéir au sabbat, n'essayez même pas d'appuyer le feu de chauffage. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ne le faites même pas parce que vous faites, vous désobéissez à l'Éternel. N'essayez pas de chauffer la nourriture. Si vous préparez le vendredi, alors avant que le coucher du soleil, vous devez préparer la nourriture de deux jours. Si ça se congèle, vous devez ou bien vous mourrez de faim, ou bien vous mangez comme vous dites. Parce qu'elle a dit, ouais, écrit dans le livre des témoignages pour l'église que on peut faire comme ça, on peut essayer de faire des choses pour que ça ne se congèle pas. Non, non, non, non. On ne modifie pas la parole de Dieu. Vous devez, ma soeur Clétiri, n'est-ce pas? Parce que c'est amusant. Alléluia. Donc vous qui êtes en hiver là-bas, vous qui êtes en Europe, encore en Afrique, c'est encore mieux. Donc il est écrit que vous n'allumerez pas le feu. Donc si vous êtes en hiver et que le sabbat ça vous trouve dans votre maison, n'essayez même pas d'allumer le chauffage parce que Dieu va vous traiter rigoureusement. Vous voyez comment les charnels vont mourir dans le froid. Que Dieu nous en préserve. Donc ce verset 3 du chapitre 35 vous dit que vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures. C'est écrit, c'est le jour du sabbat. Donc si le samedi se trouve dans le froid, mon cher ami, n'essayez même pas. Alléluia. Si on éteint la lumière, si on coupe l'électricité là-bas, c'est que vous êtes fini. Vous voilà maintenant dans l'embarras. Frère, comment eux ils faisaient alors avec tout le froid là? Parce qu'il y avait l'hiver à leur époque. Absolument. Ils essayaient autant que peu. Voilà pourquoi la Bible déclare clairement que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Parce que s'ils essayaient de couper, remarquez très bien que après que Moïse ait donné cette loi là directement dans Nombre chapitre 24, vous allez voir un homme qui allait ramasser du bois. Directement, on l'a lapidé. Alléluia. Et ils faisaient autant que peu pour obéir le jour du sabbat. Mais chacun transgressait. Remarquez que Jésus je leur ai dit que ne savez-vous pas que le jour du sabbat, les sacrificateurs eux-mêmes se rendent coupables, transgressent le sabbat sans se rendre coupables. Maintenant, essayons de résoudre cette énigme pour que les gens comprennent ce que Jésus dit. Ma chère sœur Claire, est-ce que tu as lu ce que je viens de dire là dans la Bible? Alléluia. Oui. Voilà. Donc le Seigneur dit que n'avez-vous jamais lu que les sacrificateurs, le jour du sabbat, transgressent le sabbat sans se rendre coupables? Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Le jour du sabbat, les gens doivent se reposer de son œuvre. Voilà ce que la Bible dit. Or, les œuvres des sacrificateurs devaient être de rendre culte dans le temple. Vous voyez, voilà le paradoxe. Or, en rendant culte dans le temple, ils servent Dieu. Mais Dieu dit que tu dois te reposer de tes œuvres. Donc, lui-même, le sacrificateur devait rendre culte, devait arrêter de rendre culte. Le voilà maintenant entre un dilemme. Il est pris entre le matin et l'enclume. S'il arrête le sacrifice le jour du sabbat, il désobéit à l'Éternel parce qu'il est installé comme ça pour rendre culte. Maintenant, s'il le fait le jour du sabbat, il désobéit à Dieu parce que la loi dit alléluia. Parce que la loi dit que tu vas te reposer de son œuvre. Donc tous les prédicateurs baptistes qui me disent comme ça là, si pas de rendre culte le jour du sabbat en voulant obéir au sabbat, ça, qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire le sabbat parce qu'ils sont sans cesse arrêter le jour du sabbat de faire quelque ouvrage que ce soit. C'est ce que la Bible dit. Donc ils vont me dire que non, le jour là ils prêchent la parole de Dieu. Oui, prêche ça au un autre jour, c'est ton ouvrage. Puisque tu es appelé comme pasteur, c'est ton œuvre là-bas que tu dois faire. Prêche un autre jour, le jour du sabbat, reste vraiment tranquille. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Jésus veut vous montrer que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, ce livre-ci, d'Exode chapitre 35, verset 1 à 3, dit qu'on ne doit pas allumer le feu. Amen. Regardez très bien. Regardez très bien. Prenons Lévitique avant de revenir là-dessus. Lévitique chapitre 24, pour vous montrer encore quelque chose. Lévitique chapitre 24. Amen. Je prends tous ces versets pour vous montrer comment il fallait observer. Écoutez bien mes frères et sœurs dans la maison. Je prends tous ces versets pour vous montrer comment il fallait observer le sabbat. Et avec ces comment, si vous pouvez comprendre très bien que c'est quasi impossible. Parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas différer d'observer son sabbat. Et on ne peut pas observer selon notre manière. Alléluia. Lévitique chapitre 24, prenons le verset 8. Regardez bien. Chaque jour de sabbat, ici c'est le plus singulier, donc il s'agit du sabbat hebdomadaire. Chaque jour du sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle. Donc comme les juifs sont liés, en fait les personnes qui veulent se lier avec le sabbat, sachez que vous êtes aussi liés par ceci. Il dit, comme chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Remarquez très bien, il précise chaque fois parce que l'alliance a été faite dans Exode 31 là avec les enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi devant l'Éternel? Parce qu'il y avait une table, la table appelée table de proposition où les pains devaient être là, où Jésus a dit que David est entré, il a mangé le pain qui était réservé seulement aux sacrificateurs à en manger. Vous voyez? Et c'était devant l'Éternel parce que l'arche de l'alliance était derrière. Maintenant, première question, je pose aux Adventistes du septième jour maintenant. Avez-vous une table de proposition quelque part? Si oui, avez-vous l'Éternel, votre Éternel derrière ce temple là ou bien il se trouve en vous? Parce que la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel maintenant est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il n'habite pas dans un tabernacle fait de mains d'hommes. J'aimerais bien que quelqu'un soit libre de ceci. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel habite dans des maisons faites de mains d'hommes. Non. Même le prophète lui-même qui a inauguré le temple a dit Que quoi donc? Est-ce que l'Éternel peut habiter dans un même homme? Parce que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut habiter en nous, marcher en nous pour faire son œuvre au travers de nous. Christ en vous, amen, l'espérance amen, de la gloire. Alléluia. Donc, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes véritablement libres de cet état. Remarquez très bien, mes chers amis, verset 24 dit, tu ne peux pas obéir samedi, tu sens obéir ici. Parce qu'il est dit que le pain doit être devant eux. Je pose la question. Et souvenez-vous, c'est le pain sans levain, par les gens qui partent acheter le gâteau et le biscuit à la boulangerie. Alors, quand tu achètes ce gâteau avec le levain et le à la boulangerie, levé avec la levure, tu te condamnes toi-même parce que le levain symbolise le péché. Donc, si tu prends le pain le jour du sabbat, il faut que tu partes à Jérusalem. Tu détruis la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée d'Oma qui est installée sur le temple de Jérusalem là. Tu construis, tu installes encore l'arche de l'alliance, tu peux en trouver. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 3, verset 16 que un moment devait venir où l'arche de l'alliance devait s'égarer. On ne peut avoir cela dans la pensée. Donc il n'y a plus d'arche de l'alliance. Et même si tu avais l'arche de l'alliance, il faut que tu mettes le feu de l'Éternel avec tous les autres ustensiles de cela qui a été emporté à Babylone. Après avoir installé cela maintenant, il faut que tu naisses chez Aaron. Alléluia. Où est l'impossibilité de cela? J'ai une question, frère. Oui, ma soeur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier. Oui. Après avoir suivi votre émission en anglais, oui. Est-ce que je peux lire? Oui, lis la question, il n'y a pas de problème. Lis en français. Si c'est clair, je vais lire en anglais, oui. Puis je vais... Oui. J'ai entendu... I heard the other guy for the first show. Bon, they accuse Jesus of breaking the Sabbath because yes. They hate him. Yes. The Sabbath was made for man, yes. Not man for the Sabbath. So the Son of Man, Jesus, is the law of Sabbath. Amen. Here, everywhere is to follow. Everybody is to follow the Sabbath. Rather, you are a Jew, a Gentile, repent, pagan. Yeah. Genesis taught us how to count days in Genesis, you know. Uh-huh. And there was evening, there was morning, there was the first day. Yeah. If we apply this in our count, we can begin to follow God's calendar system. Uh-huh. A day consists of a night followed by a morning. So the calendar we use is right. Mm-hmm. Amen. You know? Uh-huh. When God created the whole earth, on the seventh day he rested to commemorate creation. Mm-hmm. When as women we honor the Sabbath and keep holy by giving our 100% attention for a communion with God, we are actually glorifying him, honoring him with honoring him for creating us. Yeah. Remember Jesus was there in John 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Mm-hmm. So the Word become flesh. We also know that the Son of God has come and has given us understanding, so we may know him and who is true. We are in him who is true, even in his Son Jesus Christ. He is the true God, the eternal life. Here there is no way Jesus could contradict what God installed since the creation, because he is God. The Sabbath is not a Mosaic law. It was there before he even created Adam. You know, the Sabbath is a celebration of creation. It has been, it is very meaning. Lastly, the Sabbath should be kept holy, fall on the exact day that God taught us in the beginning. So, vraiment, le Sabbat, c'est un jour. Alors, ma soeur, c'est une façon de honorer Dieu pour nous avoir créé. Que Jésus ne pouvait pas venir contredire. Donc, on va voir. Donc, Alléluia. On doit garder ces jours saints. Alors, ok. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ne tiennent pas debout. Tu vois, on va beau citer, elle va beau citer dans sa Bible. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que Satan ne peut pas venir citer que je suis Satan, n'obéissez pas, non. Il va toujours prendre la parole. Cette sœur-là va beau dire qu'au commencement était la parole. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais est-ce qu'il est écrit quelque part? Parce qu'il a dit que tous les païens convertis doivent obéir le sabbat. Et remarque très bien dans son discours, elle dit que quoi? Que les jours sont comptés à partir du calendrier de Dieu. Oui, c'est vrai. Le sabbat tombe samedi, là, on ne discute pas. Donc, si quelqu'un dit que c'était dimanche, alors il est totalement à côté de la plaque. Véritablement, le sabbat tombe samedi. Là n'est pas la question. La question c'est, est-ce que les chrétiens sont obligés de le faire? Voilà, c'est ici qu'il faut répondre. Quand il dit donc que depuis le creation, it is not, que le sabbat n'est pas venu seulement avec la loi de Moïse, it is not Zalika law, que donc, ça ne vient pas par la loi de Moïse. Et bien comme ça dit que alors, le sabbat existait avant. Oui, ça existait avant. La soeur Claire, répond pas oui ou pas non. Abraham a-t-il obéi au sabbat? Non. Jacob a-t-il obéi? Non. Enoch qui a été enlevé a-t-il obéi? Non. Pourtant, le sabbat existait avant eux. Nous sommes d'accord. Mm-hmm. Alléluia. C'est pour dire qu'il faut que les gens comprennent ce que la Bible dit. 1. De deux, cette sœur-là, j'imagine que c'est une aventure de certains jours. Il faut, si elle est en train de me suivre maintenant, et si plus tard, on est dans l'édition anglaise, elle peut reposer cette question pour qu'on puisse lui répondre bien même. J'espère que si elle est en train de me suivre, il faut qu'elle comprenne que si elle veut respecter le sabbat, qu'elle respecte ainsi. Il y a quelque chose maintenant qui est, et je rends grâce à Dieu que tu poses cette question maintenant. Remarque très bien que dans sa question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est un jour où nous devons avoir notre attention 100% sur Dieu, notre Créateur. Ça veut dire qu'un autre jour, il ne faut pas qu'on ait l'attention sur Jésus. Alléluia. Donc c'est une bêtise. Tous les jours, toute notre attention, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12 qu'on ait le regard fixé sur Jésus. Il n'a pas dit que c'est momentané. Il n'y a pas un jour spécial où notre attention doit quitter de Dieu. Non. Nous sommes sauvés pour toujours, pour servir notre Dieu pour toujours. Alléluia. Donc il n'y a pas un jour particulier où on devait avoir l'attention sur Dieu, un autre jour particulier où maintenant on peut se consacrer. Non, non, non. Ce sont des chrétiens charnels. Nous, la Bible déclare qu'il nous a ressuscité ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Cette dame-là, Ellen G. White, dit dans son livre intitulé Témoignage des témoignages. Sur l'église, et elle dit quoi? Elle dit que le sabbat, Dieu va donner les bénédictions à ceux qui observent ce sabbat. Dans Hébreux, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, il n'a pas dit pour ceux qui observent le sabbat. Donc, tous ceux qui sont en Christ sont déjà bénis. C'est pas parce que tu vas faire le sabbat que tu vas être béni. Non, non, non, non, non, non, non. Deuxième chose, elle dit des faussetés dans sa livre. Dans son livre, vous pouvez voir, il dit dans Testimony au volume 3, c'est avec moi là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que même le ciel, les habitants du ciel eux-mêmes observent le sabbat. Si la loi a été donnée ici parce qu'on a péché, donc elle veut dire qu'en haut, là-bas, il y a les 10 commandements en haut. Il lui faut la délivrance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la loi a été donnée à cause du péché. À cause du péché. Il y a le péché là-bas en haut. Les anges eux-mêmes vivent dans le péché. Vous voyez que cette femme-là, s'il fallait, la ressusciter là-bas, mais on la délivre maintenant. Vous voyez? Non seulement il ne lui est pas donné d'enseigner, elle n'est pas enseignée. Et je vois dans son livre, on écrit, elle était une talentueuse prédicatrice. On fait tout et tout pour montrer les prophéties qu'elle a données qui s'est accomplies. Mais on dit qu'elle a eu presque 2000 visions, 2000 prophéties. Mais on oublie les citer. Et les gens sont là et suivent comme des moutons. Et Jésus a dit, laissez-les, ce sont les moutons qui conduisent, les aveugles qui conduisent les aveugles. Alors maintenant, si on montre les preuves maintenant, on écrit des choses, on ne laisse pas les gens lire la Bible. Cette femme dit que ces jours-là, il faut qu'on ait notre attention 100% sur Jésus. Ça veut dire que quand le samedi passe, le dimanche maintenant, on peut dégager notre attention sur notre Créateur? Non, non. Jour après jour, minute après minute, j'ai mon attention fixée en haut. Parce que la Bible déclare, lorsque ces choses commencent à arriver, que votre regard soit fixé en haut parce que votre délivrance est proche. Notre attention n'est pas fixée le samedi, moi, ma soeur. Notre attention n'est pas fixée le dimanche. Que non. Nous sommes constamment et continuellement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas un jour particulier. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent adorer en esprit. Donc j'imagine que cette sœur a l'apparence de la piété. Elle est celle de toutes ses efforts d'observer les 10 commandements. Non, non, non, non, non, non, non. Dieu ne nous a pas donné de faire les efforts. Il a dit la loi est spirituelle. Donc, s'il te plaît, transmets encore à cette sœur que si elle veut envoyer les 10 commandements, donne-lui l'exode qu'on a dit là, qu'elle puisse observer cela. Qu'elle parte à Jérusalem et construit le temple, s'il te plaît. Qu'elle mette le pain. Donc, si elle est chez elle en disant que quand elle reste tranquille, elle observe les 10 commandements, elle se concentre sur Jésus. Non, on ne se concentre pas sur Jésus. Elle n'est pas différente des catholiques qui prient avec le chapelet, qu'elle se concentre sur Jésus. Non, c'est pas de cette façon-là. On ne se concentre pas sur Jésus parce que nous avons la possibilité de le faire. Non, nous adorons Dieu en rendant à Dieu les cultes, les actions de grâce, les fruits qui confessent son nom. Ça, c'est jour et nuit. Comme elle dit que, comme cette Ellen White dit que les anges chantent, remarquez très bien dans l'Apocalypse, on dit que les anges ne cessent de chanter jour et nuit. Ils n'ont pas dit le samedi là-bas, qu'on chante là-bas le samedi. Non. C'est jour et nuit que les gens chantent. On dit 1000 milliards le servent jour et nuit. C'est jour et nuit, ma chère soeur. Donc, c'est pour dire que le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'a pas dit que le sabbat a été fait pour les anges dans les cieux. Donc, vous voyez les bêtises comme ça qu'on voit et on publie et les gens lisent. Lisons la Bible et laissons la Bible être affranchie. Et je crois que cette soeur est en train de nous écouter et tous les autres adventistes, les apôtres des adventistes qui suivent bêtement cette chose-là depuis presque 200 ans maintenant, qu'il en soit délivré. Donc, ma chère soeur, il n'y a pas un jour où nous avons notre attention sur Jésus. Les chrétiens vivent sur la terre n'appartenant pas au royaume de la terre parce que nous sommes de la constitution céleste. Voilà pourquoi nous sommes guidés par le Saint-Esprit. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit vers les choses du royaume, pas notre attention sur les choses du monde. Donc cette sœur-là, si elle avait au moins lu ce Galates chapitre 5, elle devait savoir que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si elle essaie de faire l'attention sur la terre... Non, c'est une nouvelle convertie. Ok, que Dieu la délivre, que Dieu la bénisse maintenant avec ceci, que Dieu vraiment la délivre par ce message-ci. Il faut qu'elle comprenne que nous n'allons pas apporter, comme elle est convertie, il faut qu'elle reçoive vraiment le vrai message du Seigneur. Le vrai message du Seigneur, c'est que nous sommes délivrés de la loi, mais pas que nous désobéissons à la loi, non. Le fait que le chrétien ne fait quelque chose de sa manière, il ne veut pas dire qu'il désobéit à Dieu. C'est parce que Dieu nous a révélé le vrai sens. Ok, ma chère Claire, on va faire un test maintenant pour qu'on puisse voir vraiment. Tu vas me répondre par oui ou par non. Et les chrétiens qui m'écoutent maintenant peuvent répondre à la même question. Ma soeur Claire, Jésus-Christ a-t-il péché contre le commandement d'obéir Dieu de tout son cœur? A-t-il péché contre cela? Non. A-t-il péché contre le commandement d'obéir, d'aimer son prochain comme soi-même? Non. Notre Seigneur a-t-il déjà commis l'adultère, sur quelque forme que ce soit? Non. A-t-il déjà menti, a-t-il déjà violé, a-t-il déjà volé quelqu'un? Non. Maintenant, je vais te dire maintenant, je vais poser maintenant la question subsidiaire. Jésus-Christ a-t-il violé, oui ou non, physiquement, le quatrième commandement, le sabbat? Absolument oui. Oui. Alléluia. Applaudis pour toi, ma soeur. Absolument. En fait, si on comprend au sens mondain, au sens de la chair, Jésus-Christ a effectivement violé le commandement. Mais c'est parce que le commandement était fait pour spirituellement que dans l'esprit du quatrième commandement, effectivement, il n'a pas violé. Mais si on regarde du point de vue de l'homme, il a effectivement violé. Donc les Juifs avaient raison de le tuer. Puisque l'une des accusations qu'on lui a fait, c'était qu'il ne gardait pas le sabbat. Vous voyez, il n'observait pas. Puisque j'ai une question. Oui, ma soeur. On a tué Jésus. Je crois que c'est l'une des raisons pourquoi on l'a tué. Parce qu'il se faisait... Il se disait Dieu, il s'appelait Dieu, oui. et il ne pratiquait pas vraiment le sabbat, oui. Il n'avait lavait pas les mains, tout oui. Ça, cette petite pratique là. Oui. Bon, il y a une question qui est la sœur Anne. Oui. Elle dit donc si on va dans ce sens là, ça veut dire que les ordonnances concernant les aliments à manger ou pas étaient aussi que pour le peuple d'Israël, ce qui concerne les animaux à manger ou non et tout le reste. Amen. Bonne question. Pour répondre à sa question, allons-y rapidement dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Ça règle le problème là-bas. Vous voyez, il faut vraiment qu'on soit affranchi. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de religions, particulièrement les religions orientales, sont basées maintenant pour parler des... Il y a des gens qui font de la cesse, d'autres les végétariens, et particulièrement. Si vous regardez ce livre de Ellen G. White concernant le témoignage, et elle ose dire que c'est le Seigneur qui lui a dit que le moment va venir où il ne faut pas que les enfants mangent des œufs et de lait, parce que c'est nuisible pour la santé. Or, la Bible déclare clairement dans le livre de 1 Timothée que beaucoup de personnes vont venir. On va lire ça tout à l'heure. Lisons d'abord Colossiens. Donc, pour ceux qui m'écoutent, les avantages, vous avez votre... Le titre, c'est le témoignage pour l'église, pour la version anglais, c'est des testimonies volume 3. Vous pouvez lire dans la page 20 et dans la page 429. Vous pouvez lire clairement ce qui est en train de dire. Donc dans Colossiens chapitre 2, lisons les versets 16 à 17 et 18 pour répondre à la sœur Anne. Regardons bien, la Bible est claire: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est écrit au pluriel. Souvenez-vous, il parle aux Colossiens. Et les Colossiens sont des non-chrétiens. Voilà, les gens dans... C'est quoi? C'est les gens qui viennent des autres nations. Ils ne parlaient pas aux Juifs ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. Ils avaient cru au Seigneur. Ils avaient cru au Seigneur. Et les gens venaient leur dire... si vous ne vous considérez pas selon la loi de Moïse, et si vous n'observez pas la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait leur dire? Il voulait leur dire que ne vous laissez pas troubler par quelques messages venant de nous, parce que les ces choses, la remarquez bien, ça dit quoi? Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Pourquoi Dieu avait prescrit aux Juifs? C'était pour leur donner des restrictions, afin qu'ils ne se comportent pas comme les païens dans le monde entier. Mais Dieu voulait avoir un peuple saint. Alors il commence à donner les choses que vous devez vous sanctifier vous-même. Vous devez vous sanctifier vous-même pour leur donner les interdits, pour voir s'ils doivent obéir. Mais regardez bien ce qu'il dit ici. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Pourquoi? Parce qu'on venait les accuser, vous mangez le porc. Vous qui êtes les non-chrétiens, vous qui êtes acceptés, comme vous avez accepté notre Messie. Alors, en fait, je vous dis pour ceux qui avaient accepté Jésus-Christ, pour les Juifs qui avaient accepté Jésus-Christ, on les appelle les Juifs messianiques. Alors, on dit, d'après notre loi, on ne devait pas manger le porc. Regardez très bien, Dieu avait dit que vous devez regarder ça en abomination. Pourquoi? Parce qu'il avait interdit cela, parce que c'était les rituels dans cette partie du monde, et il avait pris le peuple d'Israël comme un peuple qui lui appartient. Maintenant, au verset 17, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Et il conclut maintenant en disant qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, comme Ellen White l'a fait, envers les visions où il ne faut pas manger le porc, il ne faut pas manger ceci. Il est écrit ici, il dit quoi? Qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité et par un culte des anges. Ils ont franchement l'apparence de la piété. Quand ils parlent, ils peuvent te convaincre. Alléluia, alléluia. Il dit que quoi? Et tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Comprenez bien. sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens style le accroissement que Dieu donne. Vous comprenez? Remarquez bien verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Écoutez bien. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondées sur, que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire. Donc Dieu donnait ça pour le culte volontaire, pour que les gens s'abstiennent de certaines choses. Mais maintenant, il dit maintenant, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Maintenant, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, lisons cela. La Bible déclare quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, les enseignements des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux enseignements, des faux enseignants, portant la marque de la fœtitude dans leur propre conscience. Écoutez verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Regardez, écoutez. De s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Il dit parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Maintenant, les gens vont profiter de ceci pour dire que, ok, dans ce cas, il faut qu'on parte au festival. On peut aller au festival maintenant, manger par n'importe quoi. Manger par n'importe quoi. Non. Il faut prendre la parole de Dieu dans son entier. L'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, que ce qu'on sacrifie, on sacrifie pour les démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, à l'instant où tu participes au rituel des démons, sache que tu participes à une autre table. Il dit clairement, ce n'est pas que c'est la viande qui est quelque chose, c'est que je ne veux pas que vous soyez en communion avec l'esprit qui est derrière. Donc, à l'instant où tu participes à une fête, pour ceux qui sont dans les pays où on fait des rituels, on mange de la nourriture en l'honneur d'une certaine divinité, les chrétiens ne doivent pas manger cela parce que ces choses sont sacrifiées à une divinité. L'apôtre Paul dit donc que nous ne voulons pas que vous soyez en communion avec les divinités. D'autres personnes disent donc qu'on ne peut pas, on peut fumer, donc, puisque la Bible déclare qu'on peut faire n'importe quoi, on peut prendre tout ce qui est sur le marché. Dieu n'a pas créé la cigarette. Non. La cigarette a été transformée de la même façon que Dieu n'a pas créé l'alcool. Donc toute chose qui ne se prend pas de façon que Dieu a créé est une abomination devant le Seigneur. Voilà pourquoi, remarquez très bien, verset 5, il dit quoi? Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pourquoi? La Bible déclare sanctifié, ça veut dire mis à part. C'est-à-dire que si ce n'est pas mis à part par Dieu, par la parole de Dieu, c'est-à-dire que si la parole de Dieu n'a pas sanctifié, n'a pas ordonné, n'a pas dit que vous devez faire cela, vous ne devez pas faire cela. Maintenant, si vous lisez Hallelujah. Si nous lisons, lisez votre Bible. Si vous prenez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 1, vous allez voir, la Bible déclare que dans ces temps-là, plusieurs frères descendus de Judée, les chrétiens juifs, descendus de Judée et enseignaient aux frères qui étaient à Césarée que s'ils n'obéissaient pas à la loi de Moïse et ne faisaient un circoncis, ils ne pourraient pas être sauvés. Alors la Bible déclare qu'ils eurent entre eux et Paul et Barnabas une vive dispute et ils s'étaient entendus donc qu'ils devaient aller résoudre ce problème-là à Jérusalem. Alors c'était la première conférence de Jérusalem. Allons-y maintenant à l'issue là-bas. Lisons le verset Actes des Apôtres, chapitre 15. Rapidement, Actes des Apôtres, chapitre 15, remarquez le verset 1. Il est dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse et vous n'êtes pas sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Regardez, la question était, est-ce qu'on devait se circoncis après être païen et être converti en Christ et observer la loi de Moïse? Cette question devait être résolue. Regardons le verset 5. La Bible déclare, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez, c'est exactement ce qui est écrit ici. Maintenant, à l'issue de cette conférence, je vous en conjure, bien-aimés frères et sœurs, lisez tout au long de cette Actes chapitre 15. À l'issue de cette conférence, lisons le verset 28, verset 26 à 28, verset 28. Remarquez bien, la lettre va être sanctionnée maintenant pour régler la situation au milieu des frères qui sont les chrétiens mais non juifs, c'est-à-dire qui sont issus du paganisme. Maintenant, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a jugé que c'est ainsi. Souvenez-vous, c'est le même Saint-Esprit qui a écrit toute la parole de Dieu. Et elle ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire une de ses paroles. Il dit qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, regardez bien. amener maintenant en harmonie, comme je le dis. Dans 1 Timothée chapitre 4, il dit on ne doit pas prescrire aux gens de ne pas manger. Tout ce qui doit être fait doit être mangé. Vous voyez? Mais le 1 Corinthiens 10 nous dit qu'on ne doit pas manger les agneaux sacrifiés aux idoles. Pourquoi? Parce que quand c'est sacrifié aux idoles, ce n'est pas consacré par la parole de Dieu. Maintenant, il dit qu'on ne doit pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Donc il y a la manière de manger. Il dit, regardez très bien. Il dit, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc ces choses-ci, les points sanctionnés par la conférence de Jérusalem ont été faites et ça concernait la loi de Moïse. Maintenant, regardez très bien, pour ceux qui veulent discuter, dans la loi de Moïse, il était clairement écrit qu'on ne veut pas manger le sang et les viandes étouffées. Allons-y dans le livre de Lévitique au chapitre 17. Prenons le livre de Lévitique pour voir cela là-bas. C'est pour dire que parce que je suis en train de parler comme ça, là, j'ai dit bien que la loi est spirituelle. Alléluia. Mais il y a l'aspect de la loi qu'on doit vivre de façon culturelle. Alléluia. De façon pratique. Amen. Amen, amen. Donc, regardons. Il y a des gens qui disent que, par exemple, les pantalons, c'était dans l'Ancien Testament, la loi. Amen. Donc, j'aimerais que vous mettez un peu... Amen. On va le voir. Alléluia. Donc, on va voir tout cela. Ne vous inquiétez pas, ma chère soeur. Voici un exemple de ce qu'on va dire par rapport aux pantalons et autres. Là, regardons très bien ceci. Et la Bible déclare que dans Actes des Apôtres, on a écrit qu'il ne faut manger les viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés. Maintenant, lisons le chapitre 17 de Lévitique. Lisons le verset 10. Regardez bien. Verset 10, la Bible dit quoi? Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers, remarquez très bien maintenant que c'est précisé, non seulement, ma chère sœur, espère que tu vois cela, non seulement c'est précisé Israël, c'est aussi précisé les étrangers. Oh, c'est glorieux ça, c'est glorieux. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme, il explique le pourquoi. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu dit clairement ici dans ce Lévitique chapitre 17. En fait, c'est tout le prenez le temps de lire vraiment les Bibles, bien-aimés sœurs et frères. Donc, vous voyez que la même chose qui est écrite ici dans Lévitique, c'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il faut amener l'harmonie. Il faut amener l'harmonie avec le Nouveau Testament. Prenons maintenant un autre maintenant. Prenons ce que les gens disent. Parce qu'il avait dit comme ça, les gens vont dire que, ok, dans ce cas, on est libre de porter ce qu'on peut porter, les bijoux et autres. Remarquez, pour les bijoux, vous pouvez voir clairement dans 1 Timothée au chapitre 2, comme il est écrit, qu'on ne sait pas par des strass et des habits trompés, ni des perles. Et c'est repris par. Dans 1 Pierre chapitre 3 également. Mais regardons le cas des pantalons. Comme on dit, le pantalon. Si quelqu'un veut, il change ça dans sa Bible. Dans ma Bible, ça ne peut pas être changé. Parce que ça ne peut pas être changé. Regardons dans le livre de Deutéronome au chapitre 22. C'est merveilleux. Deutéronome au chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Le verset 5 dit quelque chose là. Regardez bien. Le verset 5. Et c'est la signature qui est importante là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Verset 5, la Bible déclare, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Il conclut, car quiconque, n'importe qui, fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, ton Dieu. Il dit, quiconque fait ces choses est en abomination, ton Dieu. Maintenant, remarquez très bien, Dieu dit que c'est en abomination devant le Dieu, parce qu'on insiste seulement sur le vêtement des femmes. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont issus du pays qu'on appelle Écosse. Vous qui portez vos jupes là maintenant, il vous dit que c'est votre culture. Dieu s'en fout de votre culture. Dans Jérémie chapitre 10, verset 3, il dit que les coutumes du peuple ne sont que vanité. Donc si dans ta culture, tu écoutes maintenant, tu portes le skate, you wear skate, tu portes le skate, la jupe. C'est pour les femmes. Tu dois enlever ça et enlever tes chaussettes que tu portes là pour montrer tes talons derrière là. Donc Dieu a dit que c'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination devant l'Éternel pour l'homme. Donc ne voyons pas seulement le cas des femmes. Tous les Écossais qui m'écoutent maintenant, tous les Ivoiriens qui m'écoutent maintenant, où les hommes attachent le pain, ne dis pas les Ivoiriens maintenant que c'est votre culture, votre tradition, c'est votre problème. Tous les Sawa des Douala dans tout le monde entier, tous les Kribiens qui m'écoutent maintenant, quelques-uns, les habitants de la côte qui portent les habillements des femmes, vous les hommes là, vous êtes des esprits féministes. Il faut que vous compreniez que Dieu a dit l'homme ne doit pas porter les vêtements des femmes. Parce qu'on parle toujours les femmes, c'est vrai que les femmes sont en plus grand nombre dans le pays, dans ce monde, et qui portent plus de vêtements des hommes. Mais vous aussi, vous les hommes, vous êtes concernés, parce qu'il n'est pas seulement dit aux femmes ici. Mais maintenant, je vais m'atteler sur le fait que Dieu dit que c'est une abomination devant lui. Souvenez-vous, quand vous lisez le Lévitique chapitre 19, vous allez voir que Dieu dit que vous regardez en abomination. Remarquez les animaux. Voilà pourquoi ça pouvait être changé, parce que c'est les hommes qui devaient regarder ainsi. Maintenant, ici, c'est Dieu dit que c'est une abomination devant lui. Ma soeur Claire, j'aimerais bien expliquer à quelqu'un ce soir que chacune des choses que Dieu a regardées comme abomination, génération n'a jamais changé. J'aimerais bien qu'on lise, prenez votre Bible dans le livre de Deutéronome, vous allez voir. Toujours dans le livre de Deutéronome, je vais vous montrer cela. Je veux que ça soit clair pour tout le monde, pour qu'ils voient. Après, il va aller dans le Nouveau Testament pour montrer maintenant que Dieu n'a pas changé les abominations qui sont au-devant de lui. Prenons un exemple, parce que tout le monde sait ceci. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, verset 13, la Bible déclare que, au verset 9 particulièrement, la Bible déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça, ça ne peut pas changer. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Vous voyez, ça n'a pas changé. Parce que Dieu a dit que c'est une abomination devant de lui. Mais maintenant, prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Regardons bien. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. On va voir quelque chose là-bas pour vous montrer. Regardez bien mes chers amis, regardez bien mes frères. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de 1, divin, 2, d'astrologue, 3, d'augure, 4, magicien, 5, enchanteur. Regardez, vous voyez ça, toutes ces choses-là. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12, maintenant, écoutez bien. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Donc, il faut que tout le monde comprenne. Il faut que tout le monde comprenne que toutes ces choses que Dieu a données dans le Nouveau Testament, c'est encore valable. Si vous prenez également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, vous allez voir cette femme-là qui, la Bible déclare qu'elle en devinant, elle procurait des grands gains. Et elle disait, elle suivait Paul et Jean en disant que ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Vous voyez très bien qu'elle faisait une abomination jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de cela. La Bible déclare, vous pouvez lire également 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Vous voyez que toutes ces choses sont encore citées là-bas. Maintenant, si vous prenez Lévitique chapitre 20, verset 13, vous allez voir ça également là-bas. Maintenant, prenons maintenant le cas des Proverbes. Proverbes chapitre 6, pour que vous voyez. Proverbe chapitre 6, pour voir que les abominations n'ont pas changé avant d'aller au Nouveau Testament. Proverbe chapitre 6, on va lire les versets 16 à 19, pour voir les abominations au devant de Dieu. Et je vous montre, je vais seulement vous montrer comme ça que ça n'a pas changé. Vous voyez, on est dans le sabbat là, mais on est allé derrière très loin. Parce que si les gens ne comprennent pas bien, ils vont commencer à dire que, alors dans ce cas, on est libre de faire cela. Non, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi, mais on n'a pas fait cette liberté là, un voile pour satisfaire la chair. Absolument pas. Maintenant, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, regardez bien. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur, qu'il a en abomination. Les yeux hautains, ça n'a pas changé dans le Nouveau Testament. La langue menteuse, ça n'a pas changé. Les mains qui répandent le sang innocent, ça n'a pas changé, mes chers sœurs. Le cœur qui médite des projets iniques, ça n'a pas changé. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ça n'a pas changé. 19, le faux témoin qui dit des mensonges, ça n'a pas changé. Et celui qui excite des querelles entre frères, vous voyez, ça n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Maintenant, là, dans le Nouveau Testament, voir ce que la Bible déclare, ce que la Bible déclare comme étant abominable. Prenons Apocalypse chapitre 21. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. Je sens que les gens se posent des questions sur les boubous des musulmans. Non, c'est pas de cette façon-là. Amen. Il y a des habits clairement pour le mal. Et quand tu portes, tu sais que c'est pour le mal. Amen. Maintenant, quand les musulmans femmes s'habillent, vous voyez très bien que c'est les musulmans femmes. Si un musulman porte ou bien un homme porte les boubous de femmes, vous allez savoir que ça, c'est pour les femmes. Donc, il y a vêtements femmes. Quand vous portez, vous savez que c'est un vêtement femme. Si imaginez que moi, maintenant, il porte la tunique que la sœur Claire porte et il porte son foulard comme ça, vous saurez très bien que je suis un transvesti. Donc, Apocalypse chapitre 21, le verset 8 dit quelque chose. Regardez très bien. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables. Vous avez vu ça? Les abominables. Qu'est-ce que c'est qu'un abominable, mon cher frère, ma chère sœur? Un abominable, c'est quelqu'un qui commet les abominations. Amen. Un abominable, ce sont les gens qui ont commis les abominations. Et les abominations, ce sont les choses qui ont été commises. Donc, si tu as des langues qui courent au mensonge, sache que tu connais les abominations. Si tu as le cœur hautain, tu as les abominations. Quand tu portes les vêtements, donc vêtements de femme, tu es en abomination. Donc, tu fais parler de cet abominable. Donc, porter les vêtements des femmes, mon frère, mène en enfer. Donc, porter les vêtements des hommes, ma soeur, mène en enfer. C'est ainsi parle la parole de Dieu. Donc, pour les bijoux, on en a vu. Un autre jour, Dieu voulant, on va parler, ma chère soeur, j'aimerais bien parler un de ces jours sur ces choses en profondeur. On prend des Genèse jusqu'à Apocalypse, en voyant le plan de Dieu dans les bijoux, le pourquoi Dieu demande qu'on ne perce même pas les oreilles, et puis pourquoi les bijoux, ce qui est en abomination devant l'Éternel. Donc on va voir tout cela, mais revenons sur cette histoire de sabbat, parce qu'il voulait mettre au point le fait que le sabbat ne devrait pas être observé à la lettre, mais selon l'esprit. Et j'ai commencé par dire que Dieu est esprit dans Jean chapitre 4, verset 24, quand le Seigneur nous a dit. Alléluia. Maintenant, prenons le livre de Lévitique maintenant, rentrons dans notre cas. Alléluia. Rentrons dans notre cas, dans notre sabbat pour aller rapidement. Allons là, rapidement dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Lévitique chapitre 23, Oh, Dieu est merveilleux. Chapitre 23. Amen, j'ai une question. Oui, ma soeur. Il y a une soeur, elle dit que en Afrique, les gens qui mangent, par exemple, des reptiles, oui. Est-ce qu'il y a un problème? Les gens qui mangent les serpents, les vipères, les animaux de brousse, là, est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Absolument pas, il n'y a pas de problème. Tu prends n'importe quelle viande de brousse. La seule chose que Dieu ne veut pas que vous mangez, c'est le sang ou bien un animal qu'on a étouffé. Vous voyez cela? C'est tout simplement ce que Dieu veut. Quel que soit l'animal que vous mangez, mangez la guêpe, la fourmi, le cafard tel que vous voulez, c'est votre problème. Mais Dieu ne veut pas que vous mangez n'importe quoi avec du sang. C'est ce qui est écrit là-bas dans le Nouveau Testament. Nous avons vu cela dans Actes chapitre 15, le verset 28 et 29 qui a sanctionné la première conférence. Donc ma soeur, et pour vous rappeler, pour vous montrer que c'est une application claire pour moi, j'ai déjà mangé du serpent, j'ai déjà mangé du crocodile, j'ai déjà mangé des éléphants. Si vous pouvez manger, mangez sans vous enquérir de quoi que ce soit. C'est ce que la Bible nous ordonne. Donc ma soeur Claire, j'espère que tu ne vas pas me voir la prochaine fois et fuir. J'ai mangé du serpent bien rôti là. Alléluia. Donc, rentrons dans le livre de Lévitique chapitre 23. Non, il faut qu'on parle et on donne le témoignage. C'est mon témoignage personnel. Lévitique chapitre 23. Lisons le verset 3. Puis on va lire le verset 24 à 32. On va lire quelques versets là. Remarquez très bien. Verset 3. La Bible déclare, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Maintenant, verset 24 à 32. Verset 24 à 32. Maintenant, comprenez très bien. Verset 24 à 32. 24 à 32. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Nous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices confirmés par le feu. Vous voyez très bien. Voici le sabbat qui devait être fait à la fête de Yom Kippour, ce qu'on appelle le jour des expiations. Si vous regardez très bien, c'est le jour des expiations, ce qu'on appelle le Yom Kippour. Alléluia. Donc la fête des trompettes également, c'est une fête sabbatique. Donc les gens devaient se reposer. Et ça se passe le premier jour du 7e mois. Alléluia. Le premier jour du 7e mois. Souvenez-vous, la fête des trompettes. La fête des trompettes est faite au mois de Tanim, si vous voyez, c'est entre septembre et octobre. Donc tous ceux qui m'écoutent maintenant, la fête des trompettes chez les juifs était dans leur calendrier, comme la sœur elle connaît bien le calendrier juif. Qu'est-ce que c'est au mois de Tanim? Le mois de Tanim, pour ceux qui connaissent le calendrier juif, est entre le mois de septembre et octobre, correspondant au septembre et octobre. Donc le mois de septembre, entre le mois de septembre et octobre, il dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Donc je m'attends qu'à dans tous les villes de New York, Atlanta et Californie, où le siège des Adventistes du 7e jour qui sonne la trompette entre septembre et octobre pour publier un repos général. Mais ça, ils ne font pas. Ma soeur Claire, pourquoi il fait ceci? Je fais ceci pour montrer qu'il y a les prescriptions relatives au jour du sabbat. Et si on diffère de le faire, on pêche contre l'Éternel. Je prends encore un autre exemple pour qu'on voie. Et puis je vais aller rapidement dans le Nouveau Testament et montrer ce que c'est que le sabbat réellement. Chapitre 23, lisons le verset 12 du chapitre 23. On va voir. Souvenons-nous, dans le chapitre 31, le verset 16, on avait vu là-bas qu'il a dit que les enfants d'Israël doivent obéir, observer ces sabbats. Et je veux dire que les sabbats étaient au pluriel. Voici un sabbat pendant la fête des tabernacles, au mois de Tanim, la fête des trompettes. Maintenant, regardez très bien. Dans ce Exode chapitre 23, le verset 12 dit quoi? Le verset 12, regardez bien. Si on prend à partir du verset 12, verset 10, prenons un exemple. Regardez bien, lisez. Après 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes olives. Maintenant, comme la majorité des Adventistes du 7e jour sont servent dans le gouvernement et autres et ont des entreprises privées, ça suppose que après 6 années où tu travailles dans ton entreprise, comme tu te reposes quand tu travailles 6 jours de la semaine, tu te reposes le 7 jours là. Alors sache que non seulement tu vas te reposer le samedi le 7 jours, après 6 années, tu vas laisser ton entreprise sans travailler. Tu vois combien de personnes doivent démissionner vraiment, ma chère Claire. Donc si les gens veulent servir Dieu selon respecter le sabbat selon cette lettre-ci, ils doivent pécher devant Dieu. Donc vous tous qui servez, vous dites que vous voulez obéir au sabbat là maintenant. Comprenez maintenant, il faut que la 7e année, après 6 ans, la 7e année c'est pour l'Éternel. Ne touchez pas à votre travail. ne touchez pas à votre, n'allez pas au travail si le gouvernement vous licencie. Acceptez cela et subissez. Il dit, et non seulement cela, la paye de cela, vous n'allez pas prendre parce que votre fruit devait être donné aux pauvres. Donc, si vous avez des salaires ce jour-là, c'est pour cette année-là, vous devez donner aux pauvres. Maintenant, verset 12, il dit quoi? Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous voyez? Et verset 13, maintenant, il dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Vous voyez? Donc, si quelqu'un voit ce que la Bible dit par rapport au sabbat, vous allez remarquer que après chaque 6, le 7 c'est pour l'Éternel. 6 c'est le symbole de l'homme, c'est le chiffre de l'homme, et 7 c'est pour l'Éternel. Donc mes chers amis adventistes 7e jour, et vous qui voulez obéir au sabbat, sachez que ce n'est pas seulement le sabbat hebdomadaire que vous êtes tenu d'obéir, c'est aussi au sabbat, c'est au sabbat de l'année. Donc après 6 années, il y a ce qu'on appelle, ce sont les années sabbatiques. Non seulement il y a l'année sabbatique, il y a non seulement il y a le sabbat hebdomadaire, il y a aussi le sabbat hebdomadaire. Alléluia. Il y a le sabbat de Yom Kippour, tel qu'on a dit là pour l'expiation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant? On peut prendre Nombre chapitre 28 pour voir en dernier lieu maintenant. Je prends Nombre chapitre 28. Nombre chapitre 28, lisons le verset 9 et 10 et voir ce qui est écrit là-bas dans Nombre chapitre 28. C'est tout ce que je prends ici, c'est principalement pour dire aux gens que si vous voulez respecter le sabbat tel que le sabbat a été fait, ne respectez pas le sabbat comme cela. Vous devez respecter le sabbat à la manière de Dieu. Amen, amen, amen. Souvenez-vous que sabbat en hébreu veut dire shabbat, c'est-à-dire ça veut dire repos. Alléluia. Maintenant, lisons le chapitre 28, le verset 9 et 10. On va aller rapidement, je ne sais pas combien de temps on a mis là. Alléluia, on voit pas le temps passer. Nombre chapitre 28, verset 9 et 10. Souvenez-vous, ça c'est concernant les... Nous avons 31 minutes, frère. Ok, donc il faut que je vais vraiment au pas de la course là. Maintenant, la Bible déclare dans Nombre chapitre 28, verset 9 et 10. Le jour du sabbat, écoutez bien, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétries à huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Ma chère soeur, je te pose une question. As-tu déjà vu un adventiste qui amène l'holocauste à l'église pour aller faire crucifier, sacrifier? Non. As-tu déjà vu en train de porter le pain pour aller mettre sur la table de proposition? Non. Dans ce cas, ils se trompent eux-mêmes. Parce qu'il est écrit ici, le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine. Donc, mes chères soeurs, mes chers frères, comprenez que vous ne pouvez pas observer le sabbat selon votre manière. Le sabbat a ses prescriptions. Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, voici le sabbat, voici les prescriptions au sujet du sabbat. Après avoir libéré le commandement dans le 4e commandement, il vient maintenant expliquer le commandement en profondeur, un peu comme les gens donnent les articles dans les différentes lois. Par la suite, maintenant, il y a les textes explicatifs concernant ces différents articles des lois afin que les gens n'usent pas d'autres interprétations. Voilà pourquoi Moïse, quand il a eu le 10 commandements, il ne savait pas ce que quelqu'un devait faire. Souvenez-vous de ce Nombre chapitre 24. Quelqu'un a allé ramasser le bois. On l'a mis en prison en attendant ce que l'Éternel devait dire jusqu'à ce que Dieu commence à donner maintenant les explications relatives au sabbat. Donc si ma soeur obéit au sabbat, le pasteur obéit au sabbat, quelle que soit la personne qui veut obéir au sabbat, gardez les vos deux agneaux. Ne prenez plus notre Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prendre Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'agneau parfait, et prendre le sabbat physique. Vous prenez la personne qui est spirituelle et vous prenez le physique. Ça ne marche pas. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Donc, la Bible déclare ici là que le jour du sabbat, vous devez donner les deux agneaux. Ces jours-là, et le pain, les deux mesures de fleurs de farine, comme l'offrande de libation pour les jours du sabbat. Maintenant, la seule clé, maintenant, allons dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous tous à la maison, bien-aimés frères, soeurs, dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse pour votre temps. Nous ne perdons pas notre temps parce que le moment arrive où le Jésus va venir chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Donc il faut qu'on mette toutes ces choses au clair. Souvenez-vous, je vous ai dit que la base c'est la doctrine des apôtres. La base c'est la doctrine des apôtres. Et ce que les apôtres ont fait, on va le faire. Actes des Apôtres chapitre 1, lisons le verset 12. Souvenez-vous quand notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir parlé de ces choses, il va être élevé. Maintenant, regardez bien. Verset 12, la Bible déclare, verset 12 de Actes des Apôtres chapitre 1. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. D'un chemin de sabbat. Remarquez très bien. Ça veut dire que là où le Seigneur est allé, est monté au ciel sur la montagne des Oliviers, c'était séparé de Jérusalem d'un chemin de sabbat. C'est quoi un chemin de sabbat? En effet, un chemin de sabbat, c'était 6 stades. C'est-à-dire que 6 stades correspond à notre mesure à 185 mètres. Donc ça veut dire que si vous faites 6 fois 185 mètres, ça vous donne sensiblement égal à... C'est-à-dire que si vous prenez un stade, la mesure d'un stade, c'est 185 mètres. Alléluia. 185 mètres dans notre mesure. Donc 6 stades, pour trouver en mètres, ça nous fait donc 6 fois 185. Donc si vous faites le calcul, ça vous fait sensiblement 1 km 110 mètres. Alléluia. Donc 1 km 110 mètres. Donc ça veut dire que quittant de la montagne des Jolivets où le Seigneur de Seigneur Jésus est allé au ciel jusqu'à Jérusalem, ça faisait sensiblement 1,110 mètres. Amen. Donc 1 km 110 mètres. Donc voilà la distance qui était permise le jour du sabbat. Mais curieusement, les gens quittent d'un état à un autre dans le véhicule en parcourant plus de 2 km le jour du sabbat. Pourquoi je prends ceci? C'est pour dire à ceux qui ont les dénominations loin de leur maison à 2 km. Que le jour du sabbat, lorsqu'ils disent qu'ils partent rendre culte à Dieu le jour du sabbat pour bien se concentrer sur Dieu, en voulant aller se concentrer sur Dieu, ils pêchent directement ces jours-là en parcourant 2 km parce qu'il y a, une distance le jour du sabbat qu'on ne doit pas traverser. Ma soeur, mon frère, je ne vais pas frustrer quelqu'un, mais je veux seulement qu'on soit réaliste. Je veux seulement vous montrer que si vous voulez obéir le sabbat, obéissez à la manière dont Dieu a dit que vous obéissez. Mais ne obéissez pas comme si vous voulez imposer ça aux gens. Dieu n'a pas imposé ça aux chrétiens. Mais je veux seulement te dire que si tu veux te mettre sous le joug de la loi selon la chair, alors va sous le joug selon la chair. Mais ne prêche pas ça aux gens. Obéis cela et aie la récompense de la chair. Nous vivons dans le règne spirituel. La Bible déclare, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, il y a le repos. Il n'y a ni jour ni nuit là-bas. Donc il n'y a pas un sabbat là-bas. Alléluia. Le sabbat de Dieu, c'est pour toujours. Amen. Allons-y maintenant, souvenez-vous de ceci. Matthieu chapitre 21, chapitre 11. Allons-y maintenant pour dire clairement ce que c'est que le sabbat d'après la Bible. Amen. Prenez Matthieu chapitre 21. Pardon, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Notre Seigneur a dit quelque chose. Préparez maintenant le livre des Hébreux chapitre 4. Ouvrons Hébreux chapitre 4 et mettons la main dans le livre de Matthieu chapitre 11. On va voir ce que c'est que le sabbat. Beaucoup de gens sont troublés. Certains pentecôtistes disent qu'ils ne sont pas des septième jour, mais ils obéissent au sabbat. On les a embrouillés. L'esprit dénominationnel. Oh, hallelujah. Je ferais mieux bien de continuer rapidement là comme ça. Je reviens ici pour expliquer le cas des dimanches aussi. Maintenant, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Lisons le verset 28 que nous citons chaque jour. Et on va maintenant comprendre. Verset 28. La Bible déclare quoi? Venez à moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Shabbat. Venez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos là-bas, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Donc, souvenez-vous, mes chers, c'est clair, vous tous qui m'écoutez. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas notre repos, mais Jésus-Christ, c'est celui qui nous octroie le repos. Remarquez très bien, il n'a pas dit que moi, je suis le repos. Il a dit, moi, je vous donne le repos. Gardez ceci à l'esprit. Jésus était le repos de Dieu parce que c'est celui de l'accomplissement. Il a dit tout est accompli. C'est celui qui accomplit le repos de Dieu. C'est celui qui est le repos de Dieu. C'est celui qui est la voie de l'accès du repos dont Dieu parlait spirituellement. Donc Jésus est le repos de Dieu. Jésus nous donne le repos de Dieu. Gardez ceci en esprit. Ne mélangez pas. Jésus n'est pas littéralement notre repos. C'est Jésus qui nous donne le repos. C'est ce qu'il lui-même dit ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Vous voyez, il est la vie éternelle. Il est le chemin. Il dit, je vous donnerai le repos. Il est le chemin pour obtenir le vrai repos dont Dieu parlait. Regardez bien. Il dit, prenez mon joug sur vous. Souvenez-vous, repos veut dire sabbat. Si il recommence encore, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat. Je vous donnerai le sabbat. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du sabbat pour vos âmes. Adventure du septième jour, si vous voulez du repos, venez à Jésus-Christ. Il dit, car mon joug est léger, et mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Souvenez-vous, je vous ai dit que la loi était spirituelle. Donc, le sabbat dont Dieu parlait, c'était le repos de l'âme. C'était le repos de l'âme, parce que la chair ne peut pas se reposer. La chair ne peut pas se reposer, même si tu te couches n'importe comment. La chair ne peut pas se reposer. Le mécanisme va toujours fonctionner, mais l'esprit peut entrer en repos. L'âme peut être reposée, et il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos en nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas beau faire n'importe comment. Si tu n'es pas en Christ, tu perds ton temps. Maintenant, allons dans le livre des Actes, Hébreux chapitre 4. Maintenant, bien aimé, allons-y rapidement. Hébreux chapitre 4. Si vous prenez votre lecture depuis Hébreux chapitre 3, juste depuis verset 16 pour comprendre ce qui est dit là-bas. Depuis le verset 16 pour comprendre la chose qui va tomber au chapitre 4 là des Hébreux. Maintenant, verset 16, la Bible déclare qui fut en effet ceux qui s'est révolté. Je suis au chapitre 3, verset 16. Je prends à partir de là-bas pour entrer au chapitre 4. verset 16, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, écoutez, dans son repos, dans son sabbat, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, entrer dans le repos de Dieu, dans le sabbat de Dieu, est lié à l'obéissance ou à la désobéissance, c'est-à-dire à la croyance ou à non-croyance. Alléluia. Chapitre 4, maintenant, verset 1, la Bible déclare, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, dans son sabbat, subsiste encore. » Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Souvenez-vous, il parlait aux Juifs. Il parlait aux Juifs hébreux. La Bible, l'épître aux Hébreux, ce sont les Juifs qui obéissaient à la loi de Moïse. Il dit que, souvenez-vous que par la même désobéissance, ne montrez pas la même chose en désobéissant comme vos pères ont désobéi. Mais entrez, ne venez pas trop tard. Maintenant, le verset 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle, la bonne nouvelle, ne trouva pas chez elle de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pourquoi? Parce qu'on vient à Jésus-Christ par la foi. On doit accepter cela par la foi. La Bible déclare maintenant, verset 3, voici la révélation, mes chers amis. Mes chers amis, pasteurs, apôtres, aventistes, certains, voici ça, c'est ce qui est écrit ici devant nous. Maintenant, il dit, pour nous qui avons cru, nous avons cru en quoi? À notre salut qui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons. Nous croyons, nous entrons dans le repos. Souvenez-vous, il n'a pas dit, nous croyons en prenant le repos. Non. Il dit, quand tu crois, alors tu prends le repos. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Seigneur a dit quoi? Dans ce Matthieu 28, chapitre 11, verset 28, il a dit quoi? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te donne le repos. Amen. Donc, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est lui qui l'a dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoi que ses œuvres, puisque les gens veulent comprendre. Et on parle exactement de ce qui s'est passé à la Genèse ici. Il dit, quoi que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, vous voyez. Donc il s'agit ici effectivement du Shabbat, du samedi. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Mes chers amis, vous ne pouvez pas tordre la parole. On parlait effectivement du repos dont Dieu parlait depuis la création ici. Maintenant, verset 5 dit, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Remarquons très bien. Donc les Juifs obéissaient le samedi, dimanche, ils faisaient leur rituel le samedi, croyant qu'ils sont dans le repos. Ils ne comprenaient pas que c'était spirituel. Oh, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Maintenant, verset 7, Dieu fixe de nouveau un autre jour. Et remarquez très bien dans votre Bible, il y a un tiret. Le jour là, c'est quoi? Aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, à l'instant où un être humain qui est fatigué par les péchés, qui est fatigué par les soucis du monde, qui est fatigué par le train de cette vie, par les inégalités, les injustices de cette vie, à l'instant où il comprend que Christ est notre justice, que Christ est notre rédemption, Christ est notre tout, Christ est notre salut, à l'instant où il comprend ça et il comprend très bien qu'il ne peut rien par lui-même, il se tourne vers la croix, il dit, Seigneur, me voici, il prend Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ lui donne le repos de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui donne le repos de Dieu. Il dit donc quoi? Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, mes chers amis, Adventistes, septième jour, si vous entendez la voix du Seigneur maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez quitter le cadre charnel. La Bible déclare dans Galates chapitre 5 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu ne sont pas limités par le temps, non, ni pas. Non, non, non, non. Éphésiens 2, 6 dit que il nous a ressuscité ensemble et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Maintenant, verset 8, il dit, car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. Écoutez bien, chrétien, pasteur, you are there throughout the world, vous tous dans le monde, ou en Amérique, quel que soit l'endroit où vous m'écoutez maintenant, écoutez bien le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un jour que Dieu a donné. Et ce jour-là, c'est quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut entrer dans le repos de Dieu à l'instant où il se tourne à la croix et il accepte le sacrifice qui s'est passé à la croix. Il peut entrer dans ce repos. Amen. Jésus-Christ est notre accès. Jésus-Christ est notre accès dans le repos de Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, regardez bien, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos le sabbat. Verset 10, verset 9, il dit quoi? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Vous voyez, ça veut dire que Tant que tu n'es pas entré dans le... Il n'a pas dit celui qui obéit le samedi. Non. Il n'a pas dit celui qui obéit le septième jour. Souvenez-vous, on dit qu'il a dit un, quelque part ainsi du septième jour et il se reposa de ses œuvres. Et ici encore, il dit un jour. On dit donc qu'il y a un jour de sabbat fixé. Donc, mes chers amis, septième jour, si vous n'entrez pas dans le repos de Dieu, vous perdez votre temps. On dit donc que, car celui qui entre dans le repos de Dieu, la seule façon de se reposer en Dieu, c'est d'entrer dans son repos. Et la voie d'accès, c'est par Jésus. Si tu dis que tu es chrétien, baptisé du Saint-Esprit, alors tu es entré dans ce repos. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces sabbats afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Donc nous comprenons donc que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es scellé. Et maintenant, j'aimerais bien expliquer à quelqu'un ce soir, maintenant, puisqu'il n'a pas assez de temps, il va seulement citer les Écritures maintenant. Les Adventistes du septième jour disent que si quelqu'un n'obéit pas au samedi, il porte la marque de la bête. Ils sont ignorants quant à ce qui est écrit dans la Bible par rapport à la marque de la bête, parce que la marque n'est pas un jour. Le sceau de Dieu n'est pas l'observance d'un jour. Si c'est comme ça, alors tous les apôtres étaient des antichrists. Tous les apôtres ont porté la marque 666 parce que les apôtres adoraient samedi. Ils rompaient le pain dimanche, quels que soient les jours que ça allait trouver, surtout les dimanches dans la soirée. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est écrit clairement dans la Bible. Par exemple, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20, que le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Ça veut dire que c'est clairement le jour après le sabbat. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le matin, commença son discours, il prolongea jusqu'à la nuit. Et si je suis tombé, vous vous souvenez de cet événement-là. Donc, si c'était comme ça, alors l'apôtre Paul et tous ces cohortes de chrétiens qui étaient là-bas ont pris la marque de la bête jusqu'à leur mort. Alléluia. Donc, le sceau de Dieu, adventiste du septième jour, le sceau de Dieu n'est pas l'observance du sabbat. Parce que vous évertuez à démontrer par le livre de Daniel avec votre propre interprétation que, remarquez très bien, et je vais prendre ça rapidement maintenant. Vous dites que le sceau de Dieu, c'est l'observance, que Dieu a mis son sabbat. Le sceau de Dieu n'est pas le 10 commandements, mes chers amis. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis, prenons Éphésiens chapitre, lisons cela, il faut qu'on regarde. Éphésiens chapitre 4, on va lire deux parties dans Éphésiens là. Chapitre 4, le verset 30, pour que vous voyez ce que c'est que le sceau de Dieu. Donc, les gens croient dans le monde entier que le fait qu'ils observent les 10 commandements, Dieu a mis le sceau sur eux. Et Ellen White écrit que quand Jésus-Christ va venir chercher les aventures du septième jour. Si c'est comme ça, la plaque des rachetés là-bas, c'est l'épouse de Christ, c'est l'aventure du septième jour. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, le verset 30 dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez compris? Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Voilà donc notre repos. Donc, si vous voulez entrer dans le repos de Dieu, mes chers amis, vous êtes en Christ, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, c'est quasiment impossible d'être scellé. Donc, le scellement de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, n'est pas le jour du samedi. Chapitre 1 encore, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 13. La Bible déclare, le chapitre 1 d'Éphésiens, verset 13, la Bible déclare, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, premièrement. » Remarquez très bien le même principe. Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous serez fatigués, vous aurez du repos pour vos âmes. » Maintenant, Hébreux dit que nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. Nous qui croyons, nous entrons. Remarquez encore ici, même chose. « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru premièrement et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, subitement, on comprend que quand tu viens en Christ, tu crois en Christ, le scellement, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le symbole, ou bien le sabbat, le repos était le symbole du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, c'est parti pour l'éternité. Alléluia. C'est parti pour l'éternité. Quand tu es scellé du Saint-Esprit. Je comprends bien, frère. Oui. Nous, les enfants de Dieu, oui. nous sommes toujours en train de bénir le sabbat, mais en esprit. Selon le Seigneur. Absolument. En donnant notre vie à Jésus. Absolument. Amen. Absolument. Donc, nous vivons dans le sabbat, dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est le repos de l'éternité. Ma chère soeur Claire et tous les autres, ça ne vous étonne pas que Dieu qui est esprit ait eu besoin de se reposer? Comment Dieu qui est esprit peut se fatiguer sans se reposer? Donc vous devez comprendre que c'est justement un symbole. Donc Dieu a mis le repos, c'était le baptême du Saint-Esprit qui introduit les gens dans l'éternité. Quand c'est le repos de ses ouvrages, ça suppose qu'il faut quitter la chair pour l'esprit, pour entrer dans l'esprit. Et on n'entre pas là-bas n'importe comment. C'est la porte, le seul chemin, c'est par Jésus-Christ. Et quand tu entres dedans le scellement, la vie éternelle qui habite en toi, ça te donne le repos. Alléluia. Donc notre repos, c'est le Saint-Esprit. Ça te scelle pour l'éternité. Il a dit le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé pour l'éternité. Amen. Donc maintenant, je mets les choses en règle maintenant. Voici ce que les adventistes se targuent depuis des années à défendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la papauté a changé le jour du samedi à dimanche pour que les gens puissent adorer. C'est une bêtise. Remarquez très bien, la papauté vient plus de 5 siècles après Jésus-Christ, n'est-ce pas ma chère sœur? C'est-à-dire que le pape commence à venir depuis 5 siècles après Jésus-Christ. Et ils interprètent Daniel chapitre 7 en disant que, dans Daniel chapitre 7, si on lisons cela Daniel chapitre 7 pour voir ce qu'ils disent et leur interprétation, pour montrer très bien que ça ne peut pas faire l'objet de leur propre interprétation. Souvenez-vous, la Bible dit, aucune parole de l'Écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc les aventures de certains jours ont pris le livre de Daniel au chapitre 7 et ils en ont fait leur propre interprétation. Et ils ont tordu le sens comme les autres, les catholiques et autres tordent le sens. Daniel chapitre 5, regardez cela. Vous allez voir chapitre 7 de Daniel. Amen. Si vous regardez Daniel chapitre 7, regardez le verset 27, vous allez voir quelque chose de merveilleux. Regardez bien. La Bible dit le règne, la domination et la grandeur. Non, pas là-bas. On va voir quelque part là-bas. Verset 25. Il dit il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut. Remarquez très bien, chers amis, je sais que les aventures du septième jour, on lit ça depuis 1844 avec Ellen G. White, mais je suis sûr qu'ils n'ont jamais vu ces versets ainsi. Mais regardez maintenant, la Bible déclare que c'est ta parole qui nous éclaire, c'est une lampe. Regardez bien, verset 25, c'est ici qu'ils ont tordu le sens de l'écriture pour donner que le samedi a été changé en dimanche. Regardez bien, il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Voilà donc là où les adventistes certains jours prennent pour dire que, ok, la papauté a changé parce, en donnant les décrets des conciles de Latran, qu'ils ont changé de l'adoration de samedi en dimanche à l'adoration du Dieu soleil. Maintenant, remarquez bien, la Bible n'a pas dit que cet homme-ci, l'œuvre impie qui va venir va changer le temps. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit qu'il va espérer le faire. La Bible n'a pas dit qu'il va le faire. Donc, il va vouloir le faire. Alléluia. Il n'a pas la possibilité de changer. En fait, le calendrier que nous utilisons maintenant, c'est même le calendrier romain. Donc, qu'il l'admet ou non, c'est le calendrier romain. En disant samedi, c'est le calendrier romain. Parce que le calendrier de Dieu, c'est le calendrier juif. Donc, vous voyez que c'est une bêtise. Remarquez bien maintenant. Sinon, si on prend Actes des Apôtres, vous allez voir partout là-bas, les chrétiens se réunissent le dimanche. Ma chère, c'est clair. Est-ce que les papes étaient là pendant que les apôtres étaient ici sur terre? Non, pas vrai. Donc tu vois très bien que le pape est venu plus de 500 ans après les premiers apôtres. Or les premiers apôtres se réunissaient les samedis. Donc vous voyez très bien que ça n'a pas de sens leur interprétation des écritures. Ils disent que le pape a changé le jour du samedi en dimanche. Or avant que le pape ne vienne, les chrétiens se réunissaient le dimanche. Ce n'est pas pour dire que les chrétiens doivent se réunir seulement le dimanche. Vous voyez, si vous lisez les écrits de Justin et de, par exemple le livre des martyrs de Fox sur les martyrs des chrétiens, vous allez voir, on pouvait distinguer clairement les juifs qui, parce qu'il y avait une lutte continue entre obéir le sabbat et ne pas obéir le sabbat. Alors il fallait la distinction. Mais remarquez très bien, les apôtres allaient distinctement dans les synagogues pour prêcher aux juifs, pour les libérer de la loi de Moïse, et ils adoraient aussi les dimanches. Alléluia. Donc chaque fois que vous allez voir les disciples prêcher, ils peuvent prêcher le lundi. Remarquez très bien, le lundi matin l'apôtre Paul parlait, on a dit qu'il faut qu'il parte à Jérusalem pour être puni parce que le Saint-Esprit l'avertit que les liens et les tribulations l'attendent. Partout, chaque jour, il prêchait dans les synagogues. Alléluia. La Bible déclare qu'il a duré 3 mois quelque part en Asie. Il a prêché de telle enseigne que tous les gens ont entendu. Ce n'est pas seulement le sabbat. Donc, il faut que les gens soient délivrés vraiment aujourd'hui. Donc, le dimanche n'est pas fait pour le chrétien. Le chrétien n'est pas limité par un jour particulier. Ça, alléluia. Donc, si on dit qu'on est en train d'adorer le Dieu du soleil ou le Dieu du dimanche, alors, dans ce cas-ci, mais ça aussi, ça me dit. Écoutez bien, mes chers amis. Ma soeur Claire, ceci risque de te faire amuser. Parce qu'ils interprètent également que en anglais, son devait dire le jour du soleil. Donc, c'est au Dieu soleil. Saturne aussi, ça veut dire Saturne. Ça vient de Saturne qui veut dire Saturne. Donc, c'est au Dieu Apollo aussi. Alléluia. Donc, ça veut dire que si. Et je dis que si son devait, ça veut dire jour du soleil. Oui. En fait, ça ne veut pas dire jour du soleil, frère. Et c'est même si c'était comme ça, en acceptant que c'est comme ça, donnons-le cela, n'est-ce pas? Sonde, en fait, sonde veut dire le jour du soleil. Ok, si c'est sonde qui est le jour du soleil, Saturne vient aussi du Saturne, c'est-à-dire que le dieu qui contrôle Saturne. Alors, eux ici, ils fuient le dieu Apollos, ils tombent sur le dieu Saturne, ils fuient le dieu soleil, ils tombent sur le dieu Saturne. Vous voyez cela? Donc maintenant, si ils fuient cela, ils font ça le lundi. Voilà vraiment que le Seigneur enlève toute cette confusion-là. Alléluia. Je sais que quelqu'un est délivré aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Donc, s'ils fuient aussi le samedi maintenant, ils tombent le lundi. Lundi en anglais, c'est Monday, c'est le jour du soleil, tu vois, le jour de la lune. S'ils fuient cela, il vient maintenant sur le lundi. Alors ils ont fui le soleil, fui Saturne, ils tombent maintenant sur la lune. Alléluia. Donc si fuit cela, il part maintenant sur jeudi, sur vendredi. Vendredi vient de Vénus. Donc ils fuit ça, ils sont en train d'adorer Vénus. Ma chère sœur, ce sont des abominations. Le chrétien n'est pas est au-dessus de toutes ces choses charnelles sur la terre. Nous entrons dans le repos quand nous acceptons Jésus-Christ et qu'il nous accroît le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un crie Alléluia. Parce que voilà ce qui est le sabbat. Amen. Amen. Donc, le repos a été donné pour les hommes. Le retour a été donné pour les hommes et non les hommes pour le repos. Donc, à l'instant où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, il te scelle par ton Saint-Esprit, passeport et voyage pour l'éternité. Donc, tu as la vie éternelle qui est le repos pour toujours. Amen. Amen et amen. Amen. Donc, j'attends les questions maintenant, ma chère sœur Claire. Alléluia. Amen, amen. Ah frère, il reste 8 minutes. Oui. Donc, maintenant, si les enfants de Dieu vont se réunir maintenant, ça peut être lundi, mardi, mercredi. Absolument. Jeudi, n'importe quand. Absolument. Tu as bien compris, ma chère sœur Claire. Tu as bien compris. C'est exactement cela. Amen. Alléluia. Vraiment, dis. Frère, mais il y a un problème maintenant. Les gens, parce que les gens disent que, oh, comme maintenant on dit que la loi, ceci, cela, les gens disent que, par exemple, quand ils disent aux gens que les mettaient plus les boucles, on dit que c'est ça, en train de les mettre sur un autre joug. Ils voient cela dans le Nouveau Testament, puisque ne t'inquiète pas, ma soeur, on va revenir là-dessus. De toute façon, comprenons que le message de la réforme, chaque fois, quand Jésus était venu la première fois, il a dit aux juifs que quoi? Parce que les disciples, s'étonnaient qu'ils lisaient la Bible, ils ne comprenaient pas. Jésus a dit quoi? Et qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Souvenez-vous, chaque dispensation, Dieu a les gens qui sont en train de sortir. C'est pas tout le monde qui va écouter. Bien que ça, on va prêcher ainsi, ça sera clair aujourd'hui. Les gens vont trouver toujours à rédiger et ils vont encore former des dénominations. C'est leur opinion. Jésus a dit, laisse, ce sont les aveux qui conduisent les aveux. Et notre Seigneur a dit quoi? Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais à eux de regarder sans comprendre. Donc, si tu prêches quelqu'un, nous ne sommes pas pour convaincre les gens, nous présentons la parole de Dieu. La Bible déclare que nous faisons tout pour être devant Dieu en nous tout étant de conscience pure. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Alléluia. Nous sommes là pour mettre les choses au clair comme Dieu nous a envoyé. Nous prêchons comme des serviteurs de Dieu. Parce que si nous voulons plaire aux dénominations, je rends grâce particulièrement à Dieu du fait qu'il ne m'a pas fait passer par des dénominations pour que je puisse prêcher avec liberté et doiter les gens qu'il faut doiter. Parler quand il faut parler. Alléluia. Donc, les pentecôtistes auront chaud lorsqu'on va parler de parler en langue et du baptême du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas sur ces ondes-ci. Donc, restez bien tranquille. La nouvelle naissance, on va en parler. Le baptême du Saint-Esprit, on va en parler. C'est des ordres qui se passent dans les assemblées avec le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je crois qu'on a touché le cas des adventistes du 7e jour et autre chose. Des gens qui touchent le 7e jour. Les gens peuvent dire amen, amen, c'est le pentecôtiste. On arrive. Vous allez sortir des dénominations, là, vous allez comprendre. Tous ceux qui ont été destinés à sortir, sortiront. Donc, j'ai prié pour tous ceux qui sont dans le monde entier. J'ai prié que, par la grâce de Dieu, j'ai pu apporter selon au plus grand de ma connaissance que le Seigneur m'a donné dans la parole. J'ai fait la mission qu'il m'a accordée aujourd'hui en prêchant à vous, ma sœur. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et souvenez-vous, on n'a pas interprété quoi que ce soit. C'est la Bible que nous avons lue. Alléluia. On n'a pas interprété quoi que ce soit par nous-mêmes. La Bible déclare que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une question. Amen. Quelqu'un dit dans la Bible, j'ai vu des thèmes Shabbat. Est-ce que c'est la même chose? Shabbat, oui, en fait, le Shabbat, c'est parce que dans certains écrits, on écrit Shabbat selon les prononciations. Vous savez que les prononciations juives, avec les voyelles, les voyants sont ils ont les consonnes mortes. Alors, il faut écrire. Donc, quand tu entends Shabbat et Shabbat, c'est la même chose, mes chers frères, ou bien ma chère, qui a posé cette question-là. Alléluia. Donc, c'est le mot hébreu qui veut dire cela, ainsi de suite. Amen. Amen. Oh, j'ai été béni, mais ça, je ne sais pas par rapport à vous. Est-ce que vous avez été béni? Mes questions. On dit, oh, c'est dimanche. Tous les gens partent en boule. Hein, l'église est dimanche. Les gens, l'église maintenant, c'est quoi? Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Il n'y a pas un jour, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Jésus viendra. Si Jésus vient alors lundi, on va parler au ciel parce que ce n'est pas le jour du sabbat. Ou bien si Jésus vient samedi, on va parler au ciel. On a parlé au ciel samedi. Amen. Ah non, amen. Il est temps qu'on mette tous ces trucs là derrière. Et on la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Amen, frère. Les soeurs qui sont aux côtés des musulmans, des soeurs qui sont des voisins musulmans, filez ces antennes aux musulmans. On va en parler. On va déshabiller même le Coran ici à la lumière de la parole de Dieu. Donc les musulmans ne sont pas comme ça. Il y a un qui s'est ajouté, il s'appelle Yann. Donc je l'invite, vraiment, je l'invite qu'il vient. On va parler du Coran. Absolument. On va entrer dans aller jusqu'au profondeur. Alléluia. On va savoir si c'est Mohamed ou c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, avant que Jésus ne vienne, Jésus-Christ va venir chercher les personnes, tant chez les musulmans et ses enfants sont cachés aussi là-bas. Je rends grâce à Dieu qu'il est en train de sauver même les musulmans maintenant, que Dieu soit en soi lui. Donc, tous les musulmans, on va parcourir les 114 sourates du Coran et les 6666 versets de ce Coran-là. Donc, on va parcourir, on va voir ce que la Bible en dit. La Bible en dit et le Coran en dit de la Bible. Et on va voir qui est Mohamed, qui est Jésus-Christ, selon la Bible et selon le Coran. Donc, on va en parler, ma chère soeur, et ce sera bénissant parce que on pourra enregistrer cela et faire écouter aux musulmans et qu'ils en soient délivrés, ceux que Dieu a destinés là-bas à être sauvés. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen, frère. Ouais. C'est pour quand? Donc, on va parler de... Parce qu'il faut aussi qu'on parle Jésus. Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus, donc, parce que beaucoup de gens disent que, oh, la Trinité. Voilà, donc pour le domaine des musulmans, il faut qu'on parle ça, frère, avec les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah sont partout en train de touffer les gens. Avec les le monde de nouveau là. Il faut qu'on parle de ça, frère. Amen. On va en parler. Ne t'inquiète pas. Nous sommes sur Internet et tout le monde est en train d'écouter, y compris Satan. Satan n'a qu'à bien s'en tenir parce que l'heure est arrivée. Le bulldozer du Saint-Esprit est en marche et ne peut rien. Il sait qu'il n'a que peu de temps. Alléluia. Alléluia. Nous nous glorifions parce que le combat n'est pas charné, c'est spirituel. Et nous avons tout le royaume du ciel derrière notre dos pour nous soutenir. Alléluia. Donc, si Dieu permet, demain, on pourra parler de la divinité de Jésus. Et par la suite, j'en ai donné comme ça, si le Seigneur le permet, on va parler d'abord de la divinité de Jésus parce que c'est beaucoup de choses qui posent beaucoup de questions. Et on va parler de la dîme en français, si vous le permettez également. Donc, je voulais dire, demain, c'est mercredi. En français, on parlera de la divinité du Seigneur Jésus-Christ face à la Trinité. On va voir tout cela. Et que tous ceux qui sont de la vie Trinité, qui ont eu des enseignements, j'invite particulièrement, je sais que mon frère est en train de m'écouter, qu'il m'écoute, tous ceux-là qui croient à la Trinité ou bien qui disent que je n'étais pas Dieu, ils peuvent venir sur les antennes et poser les questions demain. Donc, le grand rendez-vous, c'est demain. J'ai pris donc que le Seigneur permette à ce que la lumière ne soit pas éteinte de l'autre côté ici. Et on va en parler demain. Amen. Alléluia. Absolument. Il faut qu'on prêche la dîme, qu'on entre dans vraiment les profondeurs. Donc, amen. Donc, demain matin, donc, on va prêcher sur la dîme en anglais. Hein, oui. En français, on va prêcher sur la dîme en français. Okay, donc, amen, frère. Vraiment, sois amen. Béni. Amen. Sois vraiment béni. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur bénisse ta famille. Vraiment, les enseignements. Les gens sont en train de changer. Les frères partout aux États-Unis, dans le monde entier, disent que, oh, vraiment, le Seigneur utilise vraiment ces enseignements, frère. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse, il te bénisse, il bénisse ta famille. Il te bénit, frère. Et nous allons prier pour toi que s'il y a moyen que tu viennes ici là. Amen. Vraiment, frère, que tu viennes ici en Europe pour venir parler à tous ces pasteurs ici. Alléluia. Et nous sommes en train de prier par rapport à ça. Amen. Amen. Vraiment, frère, sois béni. Rendez-vous demain à la même heure. Dans la paix, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Amen.